Mabunza magopindi mimapepa. Magenzambe, magenzambi njambiye, mabunza magopindi mimapepa. Magenzambe, magenzambi njambiye, mabunza magopindi mimapepa. Mabunza magopindi. Mabunza magopindi magenzambe njambiye, mabunza magopindi magenzambe njambiye. Mabunza magopindi mimapepa. Magenzambe, magenzambi njambiye, mabunza magopindi mimapepa. Magenzambe, magenzambi njambiye, mabunza magopindi mimapepa. Ipendai. Ipenda unyimani mani eguda utombono za timo nyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombono za timo nyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombono za timo nyenge yao. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timo nyengei. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timo nyengei. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timo nyengei. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie, mukadikadie. Mobongo angadie, mukadikadie. Tata nzambe, mobongo angadie, mukadikadie. Mobongo angadie, mukadikadie. Mobongo angadie, mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie, mukadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe. Yango bigege, nali kebage kwawe, nali samba ponda kamba no penga we samba mile na we samba samba kete o ma to kamba no penga we samba mile ke ke wa ke wa we ati ti ba bi wa we ati ti na bi na we na ti la ke sore da go samba ponda kamba no penga we samba mile na we samba samba kete o ma to kamba no penga we Ay, ay, oh, yo, yo, yo. Merci. Bonsoir à tout le monde. Soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Je vous remercie d'être tous présents. J'ai essayé de mettre cette générique un peu plus de temps pour vous permettre d'inviter le maximum de personnes sur la thématique du jour. Et la thématique du jour, c'est sur l'immortalité. Je tiens une fois de plus à dire merci à Mama Poussy sur cette chanson. Elle n'a pas été sélectionnée comme par hasard. Car dans cette chanson, effectivement, il y a un voyage vers l'immortalité. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet, mais permettez-moi ici de remercier les génies. Je remercie les génies du Congo, parce qu'il y a un jeune Congolais, un jeune compatriote qui a l'âge de mon fils, qui, comme vous le savez, il y a peine un mois, il y a même pas un mois, il a fait irruption dans un grand centre de, une forme de prison pour les esprits de nos ancêtres. C'est-à-dire que là où étaient gardés tous nos arts, nos statuettes, nos masques. Mais ce jeune homme est rentré là-bas, il a récupéré l'un des arts magiques fabriqués par nos ancêtres. Et justement, pour vous dire que ces statues, ces masques représentent notre âme universelle, représentent notre âme, collective, immortelle. Ces masques ont été faits et fabriqués par nos ancêtres dans le but de nous rappeler l'immortalité. Donc, je tiens ici donc à vous dire publiquement que nos génies ont touché le cœur des autorités françaises. J'étais surpris. C'est ainsi que le retour des statues, le retour des masques africains gardés en France ont été restitués. C'est en voie d'être restitué totalement vers l'Afrique. Parce qu'il a fallu que j'oublie le nom de ce jeune homme, que je tiens une fois de plus à féliciter. Et bien d'autres de la diaspora qui se sont battus fort pour nous restituer notre âme. Parce que ces statues, je me répète, représentent notre âme collective, immortelle, car greffée à l'âme universelle, fondamentale. Donc c'est à travers ces masques, à travers ces statues, ce qui nous rappelle par le souvenir, la mémoire, notre connexion avec nos ancêtres. Donc, je tenais avant de pouvoir. Merci, le jeune Mwazulu. Mwazulu di Yabanza. Voilà, c'est lui. Mwazulu Bimemi Yabanza, c'est ce jeune homme-là, Mwazulu. Je tiens ici donc à dire merci avec, par le combat qu'il a engagé. Voilà, aujourd'hui, maintenant, nos masques. Ça, c'est des sources sûres. Hein? La France s'est retrouvée à une réunion qui a eu lieu là. Et ils vont décider donc de renvoyer ces masques. Vous voyez, leur conscience les reproche. Mais ce signe symbolique qu'a posé ce jeune homme-là, dans le plan spirituel, ce jeune homme, son esprit est rentré en communion avec les entités de l'Afrique, en communion avec les esprits de l'Afrique. Ceux qui continuent à douter, qui continuent à bouger les fesses dans des histoires de distraction de région de Bala. Même pas deux semaines, exactement 12 jours. 12 jours plus tard, il y a eu de grandes réunions au Quai d'Orsay. Il y a eu de grandes réunions aux Champs-Élysées. Et c'est ainsi la décision a été prise de restituer nos masques, de restituer nos histoires, nos statuettes, qu'eux, ils s'enrichissent au dos du peuple africain. Ils nous ont assez pillés comme ça. Pardonnez-moi de commencer avec un ton de tenser nos frères blancs. Je ne suis pas contre nos frères blancs. Donc voilà, je tenais donc à ouvrir cet enseignement par ce propos pour vous faire comprendre également et à nos frères blancs, puisque j'ai des amis blancs qui sont abonnés ici, que le bâtissement des valeurs réelles humaines se base sur la prise et l'éveil de notre conscience originelle traditionnelle, qui, pour certains, peut être greffée au monde moderne par l'adaptation. Oui, mais ces valeurs humaines qui, depuis la nuit des temps, sont représentées dans la mère nature, sont représentées par nos statues, par nos masques. Vous le faites, vous les balancez dans vos pays là-bas. Vous fabriquez des talismans, vous fabriquez des ceci. Ça représente certaines forces. C'est comme nous avec nos histoires. Donc, voilà, c'est sur ce propos que je voulais ici démarrer donc notre sujet de ce jour. Bien. Il y a eu une petite perturbation. J'espère que cela ne vient pas des miasmes du bas astral. Mais toujours est-il qu'avec la permission des génies, merci beaucoup, Teta Mwanga. Merci, une fois de plus, de toujours garder et de maîtriser. C'est toi qui es le maître de l'électronique. Je sais qu'il fait très chaud dehors, mais je sais également qu'il y a des miasmes du bas astral qui luttent pour empêcher à ce que tu t'exprimes à travers moi. Toi, le Dieu qui agit par pouvoir délégatoire, sous couvert de nos génies, de nos ancêtres, que tu représentes ici, génie du Gabon, génie de l'Afrique profonde. Et tous ces génies sont là. Ils veillent à ce qu'il y ait des âmes, des enfants, des futures générations qui puissent être éveillées. Et même les âmes de certains de nos frères qui sont même plus âgés que moi, mais qui ont été embrigadés dans des systèmes de blancs. Mon frère blanc, je ne suis pas contre lui. Mais Teta Mwanga, par ton pouvoir, par le pouvoir délégatoire, nous te prions. Âme universelle, manifeste et délégatoire et délégué, agis ici et maintenant. Et que seule ta volonté soit faite et non la mienne. Moi, je ne suis qu'un canal d'expression par lequel tu t'exprimes librement. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement de l'immortalité. L'immortalité, nous allons l'analyser sous plusieurs aspects. Et comme je disais, je vais vous permettre de beaucoup plus poser des questions. Je vais lancer les grandes lignes. Bien, les grandes lignes vont être autour de quatre points plus importants. Et premier point, c'est d'abord vous amener à l'Ancienne Égypte. Dans l'Ancienne Égypte, l'Égypte antique, l'immortalité avait joué un rôle, pour ne pas dire, dans la mentalité ou l'intellect de nos frères. L'immortalité était très importante. On initiait les gens, depuis la basse classe jusqu'à la haute classe, à comprendre l'importance de l'immortalité. Tout ne se passait point sans un rite quelconque pour appeler l'immortalité. Dès que le bébé même naissait, avant même que le bébé ne naisse, par le phénomène de contact direct avec l'âme désincarnée qui est ce futur être qui va pouvoir s'incarner dans le ventre de cette femme, même si elle est en grossesse par le phénomène du spermatozoïde et des ovules, par ces énergies qui se sont dégagées, créant ainsi un œuf. Mais cet œuf que porte la maman va pouvoir être en contact invisible avec une âme qui est déjà prédisposée ou disposée pour pouvoir intégrer ce corps. Mais cette âme n'est peut-être pas désignée, car à la dernière minute, on peut décider que ce soit une femme ou un homme. Mais il y a déjà, selon le plan de Dieu et les principes de Teta Mwanga, au sein de votre propre lignée, sauf circonstanciellement, ça peut être dans notre cas, mais en tout cas, de par ce phénomène, l'immortalité était toujours préparée. Cette immortalité donc commence par cette âme désincarnée qui est prête à intégrer ce corps matériel à travers l'œuf. Cet œuf qui s'est déjà formé à partir de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de la femme, l'ovule qu'elle a libéré à partir d'un certain nombre de jours de après ses règles. Donc, ceci étant, donc, l'immortalité commençait déjà là. Donc, en Égypte, il y avait des rites très appropriés qui se faisaient. On faisait des rites préparatoires. Malheureusement, les Romains, quand ils ont écrit la Bible, ils ont repris ces rites-là dans le livre de Lévitique et dans le livre des Nombres. C'est ainsi que ces rites sont expressément reprises lorsque on va nous montrer le rite que Abraham va faire lorsqu'il va accueillir son fils Isaac. Il ne le fera pas avec l'autre fils, là, Ishmaël, mais il l'a fait beaucoup plus avec Isaac. Et nous savons ce qu'il fit. Donc, ces rites-là qu'il faisait, je parle du rite à la naissance. Je ne parle pas du rite de sacrifice propitiatoire, symbole de la libération et de la connexion avec Tetamwanga, mais je parle du rite de l'immortalité, de l'immortalité autant pour moi. Donc, là, dans le livre de la Genèse, vous allez lire ça pour ceux qui sont chrétiens ou qui ne sont pas chrétiens, juste pour votre information. Mais ça, ça ne nous intéresse pas, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'immortalité du point de vue d'initié, du point de vue de nos traditions africaines. Donc, la thématique disait quoi déjà, si j'ai bon souvenir? Comment l'immortalité? Comment atteindre l'immortalité? Tout être humain sur Terre se pose des questions. Voilà pourquoi ce qui va nous entraîner sur le comment. Les Égyptiens, eux, à l'époque, ils le faisaient comment? Ce n'est pas des initiations secrètes. Des initiations qui passaient de père en fils. Il n'y avait aucun secret. Les mêmes initiations qui partant de l'Égypte antique. Quand on dit Égypte antique, parce que, souvenez-vous que, après la destruction du continent Atlantide, le transfert et toutes les connaissances ont été, pour ne pas être tautologique, il y a eu un transfert, justement. Tout avait été transféré vers l'Égypte. C'est pour ça qu'on parle de l'Égypte antique, car c'est de cette Égypte-là que la vie a commencé pour la plupart des humains. Certes, on nous parle de l'Éthiopie et autres, mais sachez que tout commence par là. Mais pour la petite histoire, pour mes jeunes qui me suivent pour la première fois, l'Afrique ne s'est jamais appelée Afrique. Retenez bien que le véritable nom de l'Afrique, c'est Al-Kumulani. Al-Kumulani, c'est le nom de l'Afrique. Et après, il y a eu les histoires des Éthiopes et autres. Mais Léo Africanus, le gouverneur romain, c'est lui qui a influencé l'histoire là qu'on doit donner maintenant Africo, parce qu'il s'était embrouillé, il était impressionné par les richesses. Bref, cela était très important quand même de pouvoir appeler cet esprit-là. Donc, l'Afrique antique dont je parle, c'est cette antique, Afrique antique, c'est-à-dire là où avaient été transférés tous les 12 fils de Tetamwanga, qui devaient servir de transmission du savoir et des pouvoirs, des véritables connaissances, que ce soit scientifiques, mystico-spirituelles. C'est pour cela qu'on nous dit que la première grande science, les mathématiques, la géométrie et tout cela, prit renaissance à partir de l'Afrique, parce que tout avait été transféré là-bas après la destruction du continent de l'Atlantide, dont je peux revenir ici. Les fragments de ces continents de l'Atlantide se retrouvent dans l'actuel continent qu'on appelle l'Océanie. Vous retrouverez toute l'histoire. Et il y a des archives. Donc, là-bas en Égypte, comment on faisait pour atteindre l'immortalité? Je vous ai déjà expliqué, il y avait des rites. Et ces rites donc consistaient, depuis le ventre même de la maman, rentrer en communion avec l'âme ascendante. Donc, cette âme ascendante, oui, descendante autant pour moi, va, depuis le ventre de maman, dès que la dame accouchait, il y avait encore un autre rite. Et on gardait ça comme ça. Et l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandissait, surtout si c'est un garçon, on l'amenait dans un banja, ce qu'on appelle chez nous le banja, c'est-à-dire que dans un lieu à rite secret où on commençait à initier l'enfant. Chez nous au Gabon, ben, les enfants, c'est à partir de l'âge de 7 ans, normalement, tout comme ça se passe au Mali, qu'on l'a mené dans le temple du Mouiri. Le Mouiri, c'est l'initiation de base qu'on donne à tout jeune garçon. Et c'est la même ritualique qui a commencé depuis l'Égypte. C'est comme ça. C'est pour cela qu'on vous dit l'Afrique antique. Donc ça, c'est pas ça ainsi. Donc, on initie à l'enfant que là où tu viens sur cette terre, la planète Terre n'est qu'une école pour toi. Et que tu viens ici, là, tu n'es qu'un passager. Tu viens pour apprendre au maximum, apprendre. Et quand tu apprends, tu vas transiter d'aller vers d'autres mondes. Mais pour les générations futures, il faudrait que tu éduques, que tu transmettes les véritables connaissances. Et là, tu es un être divin par essence. Tu es un dieu par essence. Voilà comment on éduquait ça. Et vous pouvez retrouver ça dans les livres égyptiens que certains Français là ont écrit n'importe quoi en disant non, le livre des morts. Ça n'a rien à voir avec le livre des morts. Et pour votre référence, je vous donnerai quelques livres que vous pouvez lire chez vous. Je vous recommanderai d'avoir dans votre collection de livres, les livres de Cheikh Anta Diop. sur l'Afrique antique, sur les initiations, sur, je ne sais pas s'il aborde l'immortalité là-dedans. Moi, je vous parle, là, je ne me suis pas préparé, je n'ai pas lu un livre, mais je vous parle du flot des informations que les génies me donnent. Donc, ça, c'est l'Égypte. Et deuxièmement, je vous ai dit que l'immortalité, on retrouvait ça également dans le livre de la Genèse. Si vous lisez le livre de la Genèse, vous verrez que les dieux disent que créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et ainsi, quand ils créèrent l'homme, ils insufflèrent dans le narine de l'homme le souffle de vie, afin que l'homme devienne la ressemblance des dieux. Voyez-vous? Et dans Genèse, toujours au chapitre 3, le verset 22, ils nous diront que, et les dieux dirent ceci, et maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, ou l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal, mais empêchons-le donc de toucher à l'arbre de vie. C'est-à-dire, empêchons-le d'accéder à cet arbre-là qui va lui donner l'éternité. Donc, retenez bien que, avant d'avoir accès à l'immortalité selon le livre de Genèse, il faut d'abord quoi? Il faut la maîtrise de la connaissance du bien et du mal. Donc, les dieux, ou celui que vous appelez Dieu, qui a été malencontreusement traduit, parce que quand on dit Dieu là, avec grand D, en réalité, c'est Elohim. Je l'ai toujours dit et vérifié auprès des Hébreux qui maîtrisent ça, parce que le christianisme est une religion judéo-chrétienne. Et dans la compréhension de ces derniers, le juif, quand il dit Elohim, lui, en fait, il dit intérieurement Eloh. Parce que Eloh, c'est le Dieu suprême qui est au-dessus de tout. Mais Elohim, c'est l'ensemble de tous les dieux. Mais les traducteurs, les biblistes, là, ils ont mal traduit et ils ont mis maintenant Dieu avec un majuscule, comme pour dire que non, il n'y a qu'un seul. Or, ils se contredisent. Si vous lisez tous les livres, on vous dira qu'il y en a plusieurs dieux. Il y a des divinités. Et que Teta Mwanga, dans ma science, j'ai conclu que c'est un dieu qui agit par pouvoir délégatoire. Et dans l'islam, ils ont ce qu'on appelle les 99 noms de Dieu. C'est-à-dire les manifestations pluriques manifestes de Dieu à travers 99 noms. Voilà. Donc, dans la Genèse, on vous montre l'immortalité. Parce que l'homme, créé à l'image de Dieu, et étant sa ressemblance, il est par essence, immortel. Donc, il ne meurt pas parce que c'est un Dieu. Il en était ainsi au début. Maintenant, je vais vous emmener dans le phénomène pourquoi il meurt physiquement. Mais le corps physique, c'est quoi en réalité? On va en arriver là. Quand je vais vous emmener dans les trois phases de l'éveil de la conscience spirituelle à travers les trois degrés. Et d'ailleurs, le papillon en est l'exemple. Ceux qui ont vu le papillon savent que le papillon passe par trois degrés, qui part du ver, ainsi de suite, par son évolution pour devenir un papillon. Mais c'est le même phénomène, même à l'entrée de tous les grands temples égyptiens, jusqu'à ce jour, vous verrez toujours le scarabée, le papillon, et ainsi de suite. Ça a une signification dans le plan symbolique, mystico-spirituel. Quand vous allez rentrer dans les temples maçonniques, vous verrez une phrase à l'entrée de votre initiation, dès que on vous ouvre les portes, « Connais-toi toi-même, et alors tu connaîtras les dieux. » C'est là où on t'ouvre la porte pour rentrer là-bas. Bref, tout cela, c'est pour vous amener dans la notion de l'immortalité. Donc, dans le livre de la Genèse, ainsi comme je l'ai dit, ça nous démontre clairement que Dieu se manifestant, créant l'homme à son image, et l'homme devenant donc cette ressemblance, donc, et lui donnant le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, c'est même confirmé par eux-mêmes dans Genèse chapitre 3, verset 22, que maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, il faut l'empêcher d'avancer. Donc, ça veut dire qu'avant d'atteindre et de comprendre l'immortalité, il faut passer par la maîtrise de la connaissance. Il faut passer par la maîtrise du bien et du mal. Si vous ne maîtrisez pas le bien et le mal, vous ne pouvez pas être immortel. En fait, vous êtes immortel, mais inconsciemment. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que je prends le cas de ceux-là qui, lorsqu'ils sont au pouvoir, je parle des non-gouvernants, là, ou bien les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires, je ne suis pas contre eux, mais remarquez que leur grand souci, c'est de réussir au maximum, de toucher les corps des gens au maximum, d'avoir ce qu'ils appellent le pouvoir. Mais même certains vont jusqu'à éviter de mourir. Moi, je connais des chefs d'État qui prennent du sang, ils consomment le sang des jeunes. On va sacrifier le sang des gens pour boire ça, pour rajeunir, pour essayer toujours fort. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent être immortels. Or, ils ne peuvent pas être immortels quand ils vont consommer le sang des gens, parce que leur immortalité va être retardée. Ils vont devenir des crapauds. On en reviendra là-dessus. Donc, Genèse, je laisse. Et allez-y au Nouveau Testament, Jean chapitre 17, le verset 3. Les chrétiens, quand vous lirez cette partie de la Bible-là, je crois que c'est Yahshua qui dit que, « Oh, pour avoir l'immortalité, ça c'est le texte original hein, des héros russes, Mais je veux vous aider pour éviter cette confusion-là. Je vais amener les deux versions. Dans la version originale que les chrétiens, nos amis romains ont écrit dans Jean chapitre 17, verset 3, bon, lisons cette authenticité, il dit, pour avoir, or la vie éternelle signifie apprendre à connaître qui est Dieu, apprendre à connaître qui est Jésus. Ainsi, vous aurez la vie éternelle. Ça, c'est la version romaine qu'ils ont trafiquée en l'an 325, lorsqu'ils ont compilé tout pendant près de 17 ans pour arriver à cette conclusion. Mais dans le livre original, le russe, on nous dit que, or, pour accéder à l'éternité, repris d'ailleurs dans les 13 lois d'or de l'initiation hermétique par, comment il s'appelait déjà, par Pythagore, dans les enseignements de Pythagore, on reprend les mêmes phrases. Je vais chercher ce bouquin-là, il est où-même là. Pardonnez-moi. Je reconnais les paroles par cœur, mais voilà ce qu'il est dit à propos de cela. Donc, retenant donc cette phrase de Jean chapitre 17, verset 3, à propos de l'immortalité, le livre ancien donc dit ceci. Or, pour atteindre l'immortalité, il faut apprendre à connaître les dieux. Il faut vénérer les dieux. Car par cette vénération de Dieu, vous allez éveiller votre divinité qui est en vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans les paroles d'or de Pythagore. Il en a 13. La première parole dit quoi? Pour vous permettre d'accéder dans la grande chambre de l'immortalité, vénère d'abord les dieux immortels selon le rang qui leur est assigné en vertu de la loi divine. Ensuite, respecte le serment. Ensuite, honore les esprits de lumière. Ensuite, respecte également les démons qui président ici-bas, selon les prescriptions de la loi, telle léguée par Teta Mwanga. C'est moi qui ajoute Teta Mwanga, mais telle léguée par les dieux. D'accord? Donc, voilà ce qu'on nous disait. Pour pouvoir avoir accédé donc, à l'immortalité, il faut apprendre à connaître qui est Dieu. Et maintenant, les chrétiens ont écrit dans Jean chapitre 17 que il faut, la vie éternelle signifie qu'il faut apprendre à connaître qui. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Mais c'est l'éternité. Mais l'éternité, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle l'immortalité. Parce que quand on parle de l'éternité, c'est que vous restez éternellement. Vous ne mourrez plus. Immortalité. On enlève immortel. D'accord? Mortalité. Ça veut dire mourir. Immortalité. Ça veut dire ne pas mourir. C'est aussi simple. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour cela. Maintenant, dans nos sociétés, qu'est-ce que nous observons? Les gens évitent de tomber malades. Il y a des gens qui évitent de tomber malades. Ils ne veulent pas. Donc, ça veut dire que ça rejoint ce que Moussavou avait écrit là, dans le livre de Genèse, que Dieu créa l'homme à son image. Ainsi, l'homme devint la ressemblance de Dieu. Mais cette ressemblance de Dieu qui la restitue, c'est quoi? C'est l'éternité, c'est l'immortalité. Parce que, d'essence divine, son âme est éternelle. Voilà pourquoi les gens, inconsciemment, religieux ou pas religieux, ils ont peur de tomber malade. Moindre moustique qui vous pique, c'est la panique. Moindre bobo sur le ventre, c'est qu'est-ce que c'est? On prend le téléphone, on va appeler le médecin. Pourquoi? Mais parce que cela est naturel en vous que vous avez l'immortalité. Vous ne voulez pas mourir. C'est aussi simple. Continuons toujours à observer la nature. D'accord? On a, comme je disais, il y a, par exemple, le cas des sorciers. Quand vous allez voir un sorcier, qu'est-ce qu'ils font? Les hommes politiques l'en savent. Le type, il est croulant, il est vieux, il dit, non, moi, je vais rester là éternellement pour voir. Mais comment faire? Mais ils vont voir des sorciers. Et souvent, la plupart de ces chefs d'État, des hommes politiques ou des hommes d'affaires, ils ont toujours des marabouts, ce qu'on appelle chez nous en Afrique les marabouts, c'est-à-dire que des gens qui maîtrisent les arcanes secrets, c'est auprès des musulmans. Et même chez les chrétiens, il y a des mages qui maîtrisent ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Donc, ce mec-là, quand vous allez le voir, il va vous demander, bon, mais monsieur, vous semblez collant, il vous faut des forces. Alors, que dois-je faire? Que dois-je faire? J'ai des millions, là, j'ai des milliards, je vais te les donner. Donc, ces mecs que j'appelle des hommes sages ou des initiés, parce que le marabout est un initié, hein. Le mage des mystères ou de la mystique chrétienne, c'est un initié. Okay? Donc, ces mecs-là, ils ont des composantes ou des secrets que j'appelle des élixirs de jouvence. Ces élixirs de jouvence, c'est quoi? Ce sont des plantes, des feuilles, des racines, lesquelles, quand vous les consommez, eh ben, ça va toujours vous rajeunir. Ça va vous empêcher de vite mourir. Voilà, c'est aussi simple. Et c'est ainsi que, par exemple, Cléopâtre était l'un Pardonnez-moi quand je dis l'homme, parce que vous savez que Cléopâtre, en réalité, était un homme transformé en femme. Donc, ça, tout le monde le sait, hein, dans les sarcophages secrets, l'Égypte, on l'a découvert. Mais il paraît que c'était la plus belle femme aussi, hein, femme-homme, dirais-je. Donc, cette Cléopâtre était experte dans la fabrique des élixirs de jouvence. Elle en fabriquait tellement qu'elle était même prisée par beaucoup des rois et des reines, machin, et des reines du temps ancien, parce qu'elle connaissait ces secrets de l'élixir de jouvence. Et d'ailleurs, l'expression d'élixir de jouvence part de là, depuis cette dame l'a appelée Cléopâtre. Alors, les sorciers donc vont faire des élixirs, ou vont fabriquer certaines potions magiques. Mais la majorité aujourd'hui, ils ont compris que la magie la plus facile, c'est quoi? Mais la science moderne nous a prouvé que lorsque vous avez perdu tellement du sang, vous allez faiblir, vous allez mourir. Donc, on fait quoi? Transfusion sanguine. Ainsi, vous avez la Croix-Rouge, vous avez la plupart des grands organismes de santé qui transfusent le sang des gens qui sont bien portants, envie d'aller sauver quelqu'un qui en a en manque. Parce que si vous n'avez pas le sang, vous faiblissez, vous devenez faible. Donc, la plupart donc, des grands hommes politiques, ça c'est dans le plan de l'observation générale, pour vous prouver que l'immortalité est en soi, mais de manière ignorante, surtout quand vous n'êtes pas un initié. Même si vous êtes maçon, beaucoup de gens ne connaissent pas le grand mystère. Que je vais vite conclure là dans 10 minutes, parce que je vous ai dit que c'est vous qui allez beaucoup plus parler là. Donc, le sorcier donc va donner du sang. Et comment il fait pour avoir ce sang? Mais c'est le fameux phénomène des rites, des crimes rituels. Hein? Les crimes rituels, c'est ça. On va prendre des corps des gens, et il n'y a pas très longtemps, on a attrapé un grand sorcier togolais qui avait des corps des humains, femmes comme hommes, des corps fumés, et que ces corps-là, quand on le mettait dans de l'eau, on secouait ces corps, cette eau-là, il y a des hommes politiques qui buvaient ça, parce que ces corps, les gens en avaient besoin. Il y a d'autres, je connais quelqu'un au Gabon qui vit encore, c'est un parent, il me connaît, il s'est fâché la dernière fois quand je parlais de ça, je dis non, je vais pas citer ton nom. Ce monsieur-là, qui est un grand officier d'un corps quelconque là-bas au Gabon, lui, il a la bite séchée. Donc, il suce cette bite-là, c'est-à-dire il suce le pénis d'un homme séché. Tout cela, c'est en vue d'avoir quoi? De renforcer le pouvoir, mais surtout l'immortalité. Donc, ces techniques qu'ils font là, c'est des vieilles techniques qui ont toujours existé depuis la nuit des temps. Alors, quand on observe donc ce phénomène, je vous donne le dernier exemple, le cas des Luciferiens. Je vous dis que j'ai été invité par des amis qui sont des membres lucifériens. Le plus grand temple luciférien se trouve à New York. Le deuxième, le siège, se trouve ici, là, à Dayton, à mon village, là où j'habite. Mm-hmm. Ils ont le grand temple. Ça a été légalisé en Afrique du Sud. Hein. Vous êtes au courant, c'est dans les news, là, les luciferiens. Donc, les luciferiens, eux aussi, de leur côté, ils ont le rite de l'immortalité. Et c'est le rite, se passe comment? Vous buvez du sang. J'ai assisté, pas qu'on a dit, j'ai vu de mes yeux, je suis allé, le rite commence à partir de 11h55, c'est-à-dire 23h55 la nuit, il y a des danses qui se font et les coupes sont là, on amène les coupes de sang. Et ce sang, rassurez-vous, hein, c'est le sang humain. Mais il y a deux méthodes pour avoir ce sang. Ce sang, soit ils obtiennent ce sang à travers des personnes réelles qu'on attrape, qu'on tue, ou bien ils passent par les poches de sang qu'ils vont acheter auprès de la Croix-Rouge. Je vous avais dit, j'étais un donneur de la Croix-Rouge, mais quand j'ai appris cette macabreuse histoire, lorsque je fréquentais ce mec-là de luciférien, je dis, mais non, c'est pas la peine, j'arrête cette affaire-là. C'est quoi ce bordel? Moi, mon sang, je le donne, et c'est d'autres personnes qui vont le boire pour pouvoir atteindre l'immortalité. C'est quoi ce bordel? Donc, voilà comment les lucifériens qui existent, c'est légalisé en Afrique du Sud, et je vous informe que je connais 3 personnes au Gabon qui sont des membres lucifériens qui revenaient tout droit de l'Angleterre, ils pratiquent ce rite-là en cachette au Gabon. Rassurez-vous que d'ici 5 ans ou 10 ans, le Gabon va être dépravé parce qu'il y aura beaucoup de gens maintenant qui vont être des lucifériens. Donc, la secte luciférienne existe. L'adoration de ce que vous appelez le diable, là, ça existe. Donc, eux, leur rite à eux. Maintenant, je sais que là, au Gabon, vous allez voir, les crimes rituels vont augmenter parce que, eux, ils ont besoin du sang. Mais les Blancs, ils font ça de manière sophistiquée. Ils ont des contrats avec la société, par exemple, l'organisation non gouvernementale qu'on appelle la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui leur donne des poches de sang. La Croix-Rouge, quand vous allez prendre des poches de sang auprès d'eux, ils n'ont pas besoin de ce que vous allez faire avec ce sang. Eux, ils se disent que non, vous allez sauver des vies humaines. Donc, il y a tout un réseau bien organisé. Ces lucifériens-là passent par des médecins, Il passe par des infirmiers majeurs. Et il passe. Mais non, parce que vous, en tant qu'individu, moi, je ne peux pas personnellement l'acheter une poche de sang auprès de la machine. Ils vont dire, mais toi, tu es fou, tu vas boire le sang là ou quoi. Ils savent. Donc, nos amis lucifériens, eux également, font à partir de 23h55, comme je disais, les coupes de sang sont réunies à travers des verres. Donc, les verres là, que vous voyez que les gens boivent le vin, c'est la même chose, ils le posent. Il y en a au moins 12 verres. Donc, ces 12 verres qui sont posés, dans chaque verre, il y a une coupe, il y a le sang qui est là-dedans. Après, ils vont se dire que c'est le vin symbole de la vie. Non, mais c'est du véritable sang. Et le mec qui m'a invité pour assister, vraiment, c'est des risques que j'ai pris. Hein, parce que si on découvre que vous n'êtes pas membre, alors là, je vous dis que vous allez finir par être tué. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je t'amène. Comme tu es un homme très curieux, tu veux voir les réalités, je t'amène. J'ai dit, OK. Donc, j'ai assisté ici à Dayton. Il y en a à New York, dans la zone du Bronx, ils ont un temple. Dans la zone de Brooklyn, ils ont un temple. Dans la zone de la Laguna, vers l'aéroport international JFK, ils ont un temple là. Je connais. Dans la zone de Newark, New Jersey, ils ont également un temple. Donc, c'est pour cela que je dis, New York est presque la capitale de Luciférien. Il y en a plein là. Donc, dans leur fête, donc, ils prennent du sang. Maintenant, le but, quand je discutais avec mon ami américain blanc, je lui ai demandé, bon, mais le sang que vous buvez là, c'est quoi? Il dit, c'est dans le but d'atteindre l'immortalité. Mais cette immortalité s'exprime par le fait que vous rajeunissez, vous restez toujours éternellement jeune. Chiche! Vous allez rester éternellement jeune pour aller où? Dieu seul sait si vous allez même atteindre 90 ans. Mais après ça, poussière, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Est-ce que c'est ça le sens de l'immortalité dont je veux vous entretenir? Pas du tout. Alors, au vu de ces exemples donc que je vous ai donnés, l'immortalité, ça n'a rien à voir avec les élixirs. L'immortalité, ça n'a rien à voir avec le sang des pauvres innocents que vous allez égorger, boire, et vous pensez que non, j'ai maintenant le pouvoir. Non, ce n'est pas ça l'immortalité. L'immortalité, c'est quoi? C'est qu'on entend par être immortel. C'est d'abord une prise de conscience. Un. Et cette prise de conscience, c'est quoi? C'est que vous réalisez que vous dormez. Voilà un jeune homme là que j'aime bien. Vous avez suivi là, ceux qui sont avec moi déjà dans les forums. Il y a un jeune homme qui a posé une question fondamentale. Oh, j'ai dormi, mais j'ai rêvé ceci. Mais après le rêve, j'ai eu l'impression que le rêve a trop duré. J'ai donné une réponse à cela. Donc, l'immortalité, c'est quoi? L'immortalité, c'est cet état de prise de conscience d'abord. Donc, par cette prise d'état de conscience, vous vous faites initier. Vous vous initiez, mais avant de rentrer dans l'initiation, tout un être normal se pose des questions. Okay? Les questions sont, pourquoi j'ai peur de mourir? Pourquoi, quand je suis malade, je panique? D'accord? Pourquoi? Ça montre quelque part qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, je vous ai révélé que la raison pour laquelle les gens ont peur de tomber malade, ont peur de mourir, c'est tout simplement parce qu'ils ont en eux cette immortalité. Mais comme ils ne sont pas initiés, ils ne le réalisent pas. Mais maintenant, pour ceux qui sont initiés, comment atteindre cette immortalité? La première des choses à faire, vous rentrez dans les arcanes secrètes. Les arcanes secrètes, c'est quoi? Vous rentrez dans des écoles organisées, des écoles bien organisées. Et quand vous rentrez dans ces écoles, on va vous montrer le cheminement. Moi, l'école que j'ai vraiment aimée, c'est l'école des grands rites initiatiques égyptiens. Parce que là-bas, ça passe par 3 degrés. Le premier degré, on vous apprend comment vous préparer, la préparation. Ça se passe la même chose dans le Bouiti. Quand les gens me contactent, non, donnez-nous le contact de quelqu'un, je vais aller me faire initier. Je suis honnête avec vous. Aujourd'hui, à cause de l'espace et le temps, pour revenir à la question du forum, vous n'avez pas autorisé l'espace et le temps de ruiner votre vie. Mais malheureusement, on se fait ruiner par le temps, alors que vous êtes maître du temps. Évitez de dire, ah, il est quelle heure? Oh là là, je vais au travail à 17h. Je vais dormir vite. La rame sonne. Et c'est ça qui vous ruine. Parce que vous êtes contrôlé par le temps. Vous comprenez? Donc, dans l'initiation du Bouiti, disais-je, ça prend du temps. Évitez de faire la pression. Mais aujourd'hui, le monde moderne, c'est quoi? Le mec va vous dire, moi, je discute avec mon grand frère. Le grand frère dit, ah, mais comme la personne est là-bas en France, aux États-Unis, bon, minimum 2 semaines, hein, maxi peut-être 1 mois. Mais parce qu'il comprend la réalité, le mec a un boulot, il doit venir. Mais est-ce que vous pensez que la véritable initiation, vraiment, c'est ça? Lui-même, il le sait. Le grand frère me dit non. Ça prend des mois de préparation, voire même des années. Ah oui, la véritable initiation, là, je parle de la tradition. Mais même en Égypte, je vais vous dire, faire une révélation. L'initiation égyptienne, soyons précis, parce qu'il y en a plusieurs sectes. Moi, j'ai suivi l'initiation égyptienne pythagoricienne hermétique. Donc, dans celle-ci, dont je porte ce symbole constamment, dans celle-ci, la première partie qu'on appelle là, la préparation, ça dure 3 ans. Pendant 3 ans, vous vous préparez. Et qu'est-ce que ça veut la préparation? Il y a des exercices de respiration que vous faites, les exercices que vous pouvez appeler adoration du soleil, que je partage avec vous. Mais c'est moi, j'ai transformé le français, ce n'est pas adoration. Comment vous remplir de l'énergie solaire en vous? Il y a la technique de l'eau que je vous ai montré, que même moi, je continue à faire. Là, tout à l'heure, quand je me suis douché, je l'ai toujours faite. Tout cela sort de la préparation. La préparation, c'est quoi? Apprendre maintenant à mieux filtrer les paroles, à contrôler vos pensées, à faire ce qu'on appelle la rétrospective. Tout ce que je vous ai toujours dit depuis que nous avons fait connaissance ici. C'est ça, là, la préparation. La préparation, c'est que si tu étais un bordel, tu arrêtes d'être bordélique. Tu te contentes de ta femme ou bien tu te contentes de ton mari. Parce que ces énergies-là que tu vas dépenser, tu vas emmener ce qu'on appelle les miasmes du bas astral. C'est-à-dire qu'au cours des ébats sexuels que toi, tu vas avoir avec l'homme-là, l'extérieur, ou bien la femme-là que toi, tu ne connais pas parce qu'elle brille, elle est belle, tu vas emmener, tu vas traîner sur ton corps atomique et ton corps astral les effluves négatives. Et ce sont ces effluves négatives-là qui vont venir perturber votre foyer. Maintenant, l'homme qui est aimé s'est caloigné. Deux fois, le type, il est éveillé, mais le pauvre, peut-être qu'on l'a initié, on lui a fait le rite d'immortalité quand il était encore enfant, mais seulement, ça n'a pas enclenché le véritable désir de se lancer dans l'initiation. Donc, la préparation, c'est celle-là. Cette préparation, c'est quoi? Moi, j'ai suivi cette méthode-là. 3 ans durant, on vous apprend tous ces étapes. Ne pas parler, ne pas faire ceci, ceci, cela. Si tu avais l'habitude de mentir un peu, museler un peu. Et la deuxième étape, c'est la purification, à ne pas confondre avec la préparation. Mais dans la purification, là, la purification, c'est quoi? C'est la technique qui va vous permettre de purer tous vos corps subtils. Ça veut dire que c'est un travail maintenant intense, interne, ce n'est plus extérieur. La préparation, c'est beaucoup plus extérieur. Hein? Si tu avais l'habitude de manger le silure, tu arrêtes. Si tu avais l'habitude de manger le porc, tu arrêtes. Ça, c'est ce qu'on appelle la préparation. Maintenant, on est dans la purification. La purification, c'est beaucoup plus mystico-spirituel maintenant. C'est-à-dire que ce sont les corps subtils. Et c'est là la loi la plus difficile. Pendant 5 ans, vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de contester ce que le prêtre vous dit. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Vous gardez seulement le silence. C'est-à-dire, vous écoutez seulement pendant 5 ans. Ça, c'est le deuxième degré de l'initiation pythagoricienne égyptienne hermétique. Pendant 5 ans. Et moi, je vous dis, je l'ai observé. Pas vous, les jeunes d'aujourd'hui. Le maître parle dans le forum, il essaie de vous engueuler. Vous venez là-bas. On pratique parce qu'on est venu commander, on est venu quémander ou bien on est venu te supplier pour tes connaissances. Voilà les enfants d'aujourd'hui. Oh, tu es là même pas un mois, tu commences à parler comme ça. Mais on nous dit qu'en Égypte, même si l'enseignement là te dérangeait, on va te dire que, d'ailleurs, ce rite, nous allons le partager au cours du séminaire. Le rite de blesser les testicules de l'homme pour verser son sang. Tu es là debout. Et je viens avec la lame ou bien les ciseaux. Je te blesse. Le sang qui coule, je le récolte. Et je prends ça. Et je mélange avec certaines feuilles. On te les fait bouffer ou on te les frotte. Bref, je ne rentre pas dans les détails techniques. Hein? Ce genre de truc-là, ça rentre dans la préparation. Maintenant, toi, avec ta bouche, tu vas aller dire aux gens. Ton nom, monsieur Moreau, n'oublie pas. La femme te demande, mais les testicules. Maître Moiré, il m'a mis les lames là-bas au testicule. Et puis voilà, vous perdez les pouvoirs. Donc, la deuxième période de la purification, là, c'est ancré au secret total. Vous gardez le silence. Les gens d'aujourd'hui, là, vous rentrez dans les loges, là, le lendemain, tu vas aller dire à ton ami intime, oh, mon frère, là-bas, là, on a dit ceci, cela. C'est ça. Voilà pourquoi les sociétés africaines, on est calboignés. on ne connaît pas le secret. Attention, je vous parle toujours de l'immortalité. Hein. Là, je vous parle de la méthode. Bon, ça va, je vais arrêter. Donc, voilà la purification, c'est celle-là, où vous devez garder pendant 5 ans, vous ne parlez pas. Ensuite, enfin, troisième avant, vous avez ce qu'on appelle le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est là maintenant, vous allez maîtriser votre corps animique. Mais ce corps animique, c'est quoi? Mais c'est votre divinité maintenant. Donc, vous sortez maintenant à remplir tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein? Vous allez maintenant trouver votre essence et votre compréhension. Mais une fois que vous êtes habitué déjà à biloquer dans l'espace et le temps, sortir en vampire tous les jours, c'est comme ça on dit chez nous en Afrique. Mais en bon français, parapsychologique ou métaphysique, on dit vous biloquez. Vous faites donc des voyages astraux. Ce voyage astral que vous faites constamment vous permet donc désormais de maîtriser maintenant votre corps animique et votre corps physique que vous laissez là. Mais le corps animique, c'est le cœur. Mais c'est le corps animé que Teta Manga vous a donné à travers le souffle de vie. Ce souffle de vie qu'il a insufflé en vous, c'est ça, le corps animique, qui est en vous. Que ce corps physique périssable, de par le phénomène de l'espace et le temps, il y a ce qu'on appelle l'usure. Et à cause de cette usure-là, mais comme votre corps animique s'est éveillé, alors là, vous avez maintenant compris, et c'est comme ça que vous avez atteint votre immortalité. Atteindre cette immortalité, c'est le stade final. Lorsque vous avez d'abord maîtrisé la notion de libre arbitre, de contrôle de la connaissance du bien et du mal pour votre propre bien. Mais seulement, c'est parfois, vous pouvez utiliser le mal pour mieux appréhender et comprendre et pour agir pour le bien de l'autre ou de vous-même. C'est de là que votre immortalité va s'exprimer. Maintenant, votre immortalité va aller quoi? Par phénomène incarnatoire, vous pouvez, à cause de l'usure, je répète, car l'espace et le temps fait un phénomène qu'on appelle le phénomène de l'usure de la matière. La matière s'use. Mais c'est ça qui nous embête. Oh, je suis trop vieux, Agnès bien. Oh là là, j'ai 75 ans. Qu'est-ce que cette jeune femme de 30? J'ai que l'Agnès a des mêmes joies. Mais parce que dans votre tête, vous acceptez cela, alors vous allez vous faire user. Mais cette usure résulte d'abord de votre comportement mental. Voyez-vous? Vous êtes là, vous n'avez à peine que 50 ans. Il me faut le Viagra. Docteur Harry, envoie-moi le Viagra vite là. Donc, vous créez cette usure. On appelle ça les phénomènes psychosomatiques. Donc, le psychosomatisme vous détruit déjà. Et par conséquent, il ne peut avoir une immortalité. Bon, l'immortalité veut dire quoi en d'autres termes, dans notre langage, par exemple, simplifions cela. En dehors de la véritable immortalité qui consiste pour vous donc d'aller d'incarnation en incarnation, parce que vous avez maîtrisé cette initiation présentement, vous avez préparé votre âme, vous avez donc fait ce qu'on appelle la maîtrise de votre corps animique. Dès que vous avez réussi à créer la maîtrise du corps animique, vous êtes donc libre d'être conscient dans l'espace et le temps. Vous êtes conscient de votre vie passée et future. Vous êtes donc maintenant maître de l'espace et du temps et de la vitesse. Donc, étant maître dans toutes ces grandes, dans toutes ces dimensions, vous êtes immortel. Mais comme vous êtes devenu immortel, vous pouvez être volontairement appelé à se réincarner le corps de X ou Y ou ne plus se réincarner. Parce que, en fait, l'immortalité, comme je le disais, tout initié, l'objectif final pour atteindre cette immortalité, c'est quoi? Par plusieurs incarnations répétitives, ça dépend. Si vous êtes un tocard, à chaque fois que vous venez, au lieu d'évoluer, vous faites la même bêtise. Ben, les maîtres vous renvoient, disent, mais toi, tu n'as rien compris. C'est pour cela que nous avons dans le plan matériel des gens qui sont, qu'on appelle, qui sont peut-être bêtes, ils continuent à répéter. Toi, tu as répété le CP2, oh oui, il passe le C1, il répète le C1. Oh, tu as répété la première année universitaire, tu es toujours là encore, oh, toujours là, les babouches même s'usent. Deuxième année, tu répètes. Pendant ce temps, quelqu'un qui n'a pas répété a déjà eu son doctorat, il est professeur. Toi, tu es toujours en quatrième année en train de te boitiller pour avoir la licence. Vous voyez? C'est pareil dans le plan mystico-spirituel. Donc, quand on est un initié, véritable initié des grands mystères et des arcanes secrètes, de la véritable logologie, de la véritable logologie, c'est-à-dire la science des sciences, dont vous maîtrisez toutes les magies du monde, partant de la magie verte de tous les quatre éléments des cinq règnes et tout cela, vous n'êtes plus autorisé à faire le mal n'importe comment. Vous faites le mal, c'est quand c'est nécessaire pour pouvoir récolter le bien. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens que moi, quand je me battais pour défendre Pingla, moi, je ne cherche pas un poste politique. Moi, je ne veux pas être ministre, moi. Il est interdit à un initié, normalement, de faire partie de ces histoires politiques parce que quand vous rentrez dans le système politique, vous allez contribuer au mensonge, vous allez contribuer à la manipulation du peuple. Toi, tu vas voir l'argent. Moi, je vais maintenant dire là, ouais, votez-moi, je vais être président. Je vais créer des milliers de routes, tout ceci. Mais maintenant, si la Banque mondiale, là, qui va me dire, bon, toi, tu nous insultais tous les jours, que nous les blancs, là, on est chez lui. Débrouille-toi pour avoir l'argent. Maintenant, je ferai comme. Du coup, vous retardez votre force animique, vous retardez votre, vous n'allez pas atteindre votre immortalité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'objectif final, donc, pour atteindre, on fait comment pour atteindre l'immortalité? Vous avez suivi tout le processus, les initiations cumulatives. Ce n'est pas un bon matin, vous dites, bon maître, maintenant moi je vais commencer. Ah, voici ma Bible. Alléluia. Psaume numéro 91. Que celui qui réside... Non, non, non, non, c'est pas comme ça qu'on atteint l'immortalité. Ou bien, oh maître, voilà le livre de yoga. Yoga pour chacun. Je m'applique la technique de quoi? De la maîtrise de la pensée. Oh, je vais faire la technique de l'oiseau qui vole. Maintenant, là, j'ai atteint l'immortalité. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Si vous m'avez bien suivi. L'immortalité, c'est ce qu'on appelle the ultimate final achievement. En anglais. The ultimate final achievement veut dire quoi? C'est l'objectif du goal final, de l'objectif final, en fait, de votre cheminement. Mais c'est précédé d'abord par ce travail. Bon, ça dépend. Moi, dans le Bouti, je ne sais pas combien de degrés existent. Hein. Moi, je ne fais que manger mon bois sacré pour confirmer certains faits scientifiques, mystico-spirituels que j'ai reçus de mon initiation du Pranayama Yoga. Mais dans le Pranayama Yoga, il y a 7 degrés. Bah, ça, j'ai suivi toute l'évolution jusqu'à l'éveil de Kundalini, le serpent de feu. Dans mon initiation pythagoricienne hermétique égyptienne de l'Osiris et d'Isis, j'ai suivi mes 3. Dans là-dedans, on m'a expliqué le procédé. Dans le Bouti, il y a sûrement des procédés. Là, il faut discuter avec les grands imams. Mais je sais seulement que l'idée principale, c'est quoi? Un, tu pars là-bas, c'est pour chercher à te connaître, chercher à retrouver ta vie. Et une fois que tu as cherché ta vie maintenant, et tu retrouves tout, tu retrouves tes ancêtres. Tout. Oh, bon, maintenant là, ah, donc, je peux sortir de mon corps librement. Maintenant, vous avez maîtrisé votre corps animique. L'objectif, donc, vous voulez devenir immortel. Mais pour devenir immortel, vous devez barrer complètement tout ce que vous avez l'habitude de faire de mauvais. Que votre passé ne vous poursuive plus pour vous rattraper dans le futur et de retarder votre évolution. Car si vous retardez votre évolution, vous ne pouvez pas atteindre l'immortalité. Donc, immortalité égale travail mystique, spirituel, religieux ou quoi que ce soit à fond, éveil total de votre être animique, maîtrise absolue de votre être animique, sortie astrale, expérimentation dans d'autres plans, communion avec les dieux, les génies, les ancêtres, vous appelez ça comme vous voulez, et même les chiens communiquent avec les animaux, maîtriser les 4 éléments, air, feu, terre, eau, maîtriser les 5 règnes, minéral, végétal, animal, humain, divin, sous couvert des anges et tout ça, ça me vient à l'esprit, je vous dois un enseignement demain. Oui, ça s'appelle l'angélogie. Je vais vous parler de cela, l'angélogie. Le danger d'aller provoquer les pauvres anges n'importe comment, là. On en parlera, mais j'en parle quelque part, comment éviter de mettre le boulet au pied des anges. Il y a une vidéo qui est là. Éviter de mettre le boulet au pied des anges, ça, c'est notre ancien. Bref, je parle de ceci pour vous, juste pour vous dire que l'immortalité, c'est cette ultime finalité où, à la fin, vous ne mourrez plus, vous ne pouvez plus vous réincarner. Mais tout ce que je venais de dire, c'est préparer votre immortalité. Vous n'êtes pas encore immortel. Parce qu'atteindre cette immortalité, même votre humble serviteur, je n'ai pas encore atteint cette immortalité finale. Je suis sur la voie de cette immortalité, bien que par essence, de par mon pouvoir mental, physico, qu'on appelle ça, électromagnétique, astrophysique, biologique et tout ça, je sais que par essence, je suis une divinité. La preuve en est que je maîtrise mon corps animique. Je voyage dans l'espace et le temps, je suis constamment au Gabon, je suis en France, partout. Ici aux États-Unis, je voyage dans pas mal de villes comme ça, pardonnez-moi, visiter certains coins. Et ainsi de suite, certes, c'est vrai, mais cela ne fait pas encore de moi vraiment un être immortel totalement. Allez-y, vous initiez dans le machin de, qu'on appelle ça comme l'onvet. Dans l'onvet, on vous dira quoi? L'épopée d'une vête, dans son message de transmission, de sensibilisation du peuple enfant, au départ, le peuple enfant, que vous appelez le peuple fan, il y a un combat entre le bien et le mal. Mais toute initiation, c'est ça. Vous faites un combat entre le bien et le mal. Mais ce combat-là, c'est quoi? Mais c'est pour cela que je vous ai parlé des degrés. Là. Le combat du bien et du mal, ce n'est pas dire que tu vas aller te battre avec le mal. Oh non, moi, je ne peux plus mentir. Oh, mensonge. Non, non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement par l'initiation, vous faites ce qu'on appelle une alchimie interne. Cette alchimie interne, c'est l'alchimie de la désindividualisation. Vous désindividualisez, veut dire vous laissez maintenant le vieil homme pour adhérer au nouvel homme. Mais dans un équilibre tout à fait constant, l'espace et le temps ne doivent pas vous affecter, vous restez dans votre constance. C'est pour cela que je disais que l'espace, le temps et la vitesse sont relatifs. Mais cette relativité reste dans une constance et la constance, c'est vous. Vous êtes constant, dans l'évolution des choses. Mais dans cette constance, c'est ça l'immortalité qui est cachée en vous. Je m'arrête ici. Que Tétan Monga vous bénisse. À vous les questions maintenant. Je vous écoute. Allez-y, je vous écoute pour vos questions sur l'immortalité. Si vous n'avez pas de questions, c'est que ça a été clair, c'est bon, il n'y a pas de problème. OK? On va se détendre un peu avec la musique. Amen. Bien. Les autres questions, je n'ai pas voulu répondre. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, y a quelqu'un qui m'a posé la question sur... Bon, écoutez, je vais lire directement sur l'écran, ça me facilite parce qu'à force de trop écrire. Bon, première question. Est-ce que le processus de l'immortalité va d'une incarnation à une autre? Je crois qu'on m'a bien suivi. Le processus de l'incarnation, pour atteindre l'incarnation, c'est le point final. Mais il faut d'abord passer par l'initiation. Or, les initiations ou encore les connaissances, les gens ont peur du mot initiation. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, l'initiation, c'est mal la prise de conscience, l'éveil de votre esprit. L'éveil de votre conscience divine, ça peut être au cours d'une religion, dans votre religion, vous pouvez avoir cet éveil-là. Mais c'est au fur et à mesure que vous évoluez, que vous comprendrez à la fin que l'objectif final, c'est d'atteindre l'immortalité. Pourquoi quand le prêtre prie, on dit pour le repos de votre âme, pour aller au ciel, pourquoi tous ces religieux-là, ils vous liront les versets bibliques pour vous dire que non, Jésus a dit qu'après la résurrection, vous viendrez vivre éternellement. Mais pourquoi on dit l'éternité? Mais l'éternité, c'est ça, l'immortalité. Donc, est-ce que le processus de l'immortalité va d'une incarnation à une autre? Bien sûr que oui. Vous ne pouvez pas en une incarnation devenir automatiquement immortel. Même celui que vous appelez Jésus, même dans la logique de Jésus, des ballons, des machins là. J'ai lu des documents écrits par Josephus, celui qui a un peu écrit le portrait de ce fameux Jésus. Mais il nous dira que ce Jésus-là a eu des centaines d'incarnations avant de devenir ce qu'il était devenu. Allez-y savoir. Parce que si nous suivons bien la logique de l'immortalité, ce que ce Jésus de Balan-là aurait atteint donc cette immortalité. Mais Josephus nous dit qu'il a, il a muté, il est passé par des mutations initiatiques incarnatoires de près de 100 fois. Donc, oui, le phénomène, le processus de l'immortalité passe d'une incarnation à une autre. Deuxième question. Plusieurs initiations, est-ce que plusieurs initiations, c'est comme ça que j'ai interprété la question qui me paraît, je crois que la personne, quand je dis que j'ai subi près de 21 initiations, ça effraie la personne. Est-ce que plusieurs initiations spirituelles ou mystiques, est-ce qu'elles sont utiles pour atteindre l'immortalité? Non, pas nécessairement. Une seule initiation peut-elle suffire? Oui, peut-être, mais je n'ai jamais vu. Même dans le Bouiti, je vous dis bien, même dans le Bouiti. Moi, je connais des gens qui me contactent en privé tous les jours. Il y a d'ailleurs une maman qui est là qui nous suit. Elle m'a dit qu'elle a suivi 7 fois l'initiation de Bouiti, mais elle n'a rien vu. Alors, mais si elle n'a rien vu, vous voulez qu'elle fasse quoi? Mais qu'elle continue toujours, continue, même si elle fait ça 100 fois. Donc, oui, on peut dire à juste titre, pour certains cas exceptionnels, que plusieurs initiations peuvent être utiles afin d'atteindre l'immortalité. Mais n'oubliez pas que l'immortalité, c'est le stade où vous arrivez à la compréhension que donc moi là où je suis là, je suis un être immortel, d'où le message du vet. On vous parle de quand et de coup, vous devenez quand l'être divin éveillé, un homme fort qui est véritablement un homme, il devient quand. Mais coup, c'est celui qui est attaché à la matière. Et quand c'est celui qui est attaché au côté spirituel. Mais dans ce combat conflictuel, dans cet état conflictuel, c'est pour amener l'homme et quand que vous êtes l'homme élevé spirituellement à la maîtrise des deux. Donc, vous arrivez, donc vous en tant qu'être humain maintenant, vous arrivez à la maîtrise des quand et des coup. C'est-à-dire, ce que je disais tantôt, vous arrivez donc à la maîtrise de la compréhension, la maîtrise du bien et du mal. Car Dieu vous a donné ce libre arbitre-là. Existe-t-il une école initiatique en Afrique? Mais mon Dieu, vous me parlez d'une. Il existe plusieurs, il y en a plein. Allez-y dans ank.org. Contactez le professeur Obenga, Philippe Obenga, contactez-le. Il a créé une grande école initiatique. Il vend même des livres, il donne des enseignements, des conférences. Et moi-même, j'en ai l'intention d'en créer une là. Mais ça va prendre du temps. Je suis en train de travailler dessus avec mes enfants là, sur le site internet d'abord, et ensuite on verra. Il y a plusieurs écoles qui existent depuis longtemps. Au Soudan, il y a des grandes écoles. Est-ce que vous savez que le Mali détient la plus vieille école initiatique du monde? Voilà pourquoi, vous voyez, les Français sont envoyés l'armée là-bas pour bombarder les Maliens. C'est là où il y a un problème. Les gars qu'on appelle des terroristes, en fait. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des frères initiés conservateurs qui n'aimerait pas que cette grande librairie qui se trouve au Mali, là-bas dans le désert, puisse être prise aux mains des Balaam? Là-bas se trouvent des grands vestiges, des grands secrets. Les grands secrets de la vie se trouvent là-bas. Je crois au nord du Mali, si je ne me trompe pas. Vous savez de quoi je parle, non? La grande librairie ésotérique mystique. Il y a plein d'écoles en Afrique. Ah, l'énergie sexuelle, est-ce qu'elle peut amener à l'immortalité? Laissez l'énergie sexuelle de côté là-bas. Qui vous a parlé de ça? Qu'est-ce que l'énergie sexuelle a à y voir? L'énergie sexuelle, ça, il faut d'abord maîtriser pas mal de trucs. Nous, bon, moi, comme je suis dans le monde du yoga, nous avons ce qu'on appelle le tantra yoga. Le tantra yoga, c'est quoi? C'est le yoga de la maîtrise du contrôle de vos énergies sexuelles en vue de provoquer l'élévation de votre divinité. OK? Peut-être dans cet aspect, ça peut vous amener à l'immortalité. Mais est-ce que cette énergie sexuelle-là, vous allez la faire avec n'importe quelle femme? Non! C'est pour cela que cette question-là, elle est complexe. Mais je peux répondre, rassurez-vous. Mais quand je dis elle est complexe, pourquoi? Parce que l'homme n'a pas le sens des valeurs morales humaines, c'est-à-dire les véritables valeurs spirituelles. Je m'explique. L'énergie sexuelle là dont vous parlez là, il faut le faire avec la femme qui est initiée comme vous, si vous êtes initiée. Et vous, la femme, là, il faut être vraiment avancée, initiée. Ce n'est pas vous initiée façon là. Non, non, non. Vous êtes vraiment initiée. Et quand on parle d'initiée, c'est que vous faites des preuves. Ouais. Là, quand les esprits, là, ce n'était pas la chaleur. Là, je viens de vérifier la température, il ne fait pas chaud. C'est des esprits d'immense de l'image à ça qui voulaient perturber mon live. Mais j'ai parlé, et vous voyez, tout est calmé. Personne ne peut accéder. L'initié, c'est celui-là qui commande. Quand vous commandez, moi, jusqu'à présent, je peux commander que la pluie tombe là, et la pluie va tomber. Je peux commander que le tonnerre tombe, alors que ce n'est pas la saison du tonnerre, et ça va tonner. Mais ce n'est pas dans le but de blaser les gens, hein. Il faut le faire pour une nécessité, hein. Attention. Voyez-vous, comme quelqu'un qui m'a posé la question sur la résurrection. Mais bien sûr, tout un chacun est capable de ressusciter quelqu'un. Je suis en mesure de le faire, et vous également pouvez le faire. Vous pensez que l'apôtre Paul, il est allé faire quelle magie pour ressusciter le petit là qui est tombé du troisième étage? Vous pensez que votre Jésus là qui ressuscite Lazare, qui appelle Lazare, viens ici là, après trois jours, quand faut? Vous pensez qu'il a fait quelle magie? Tout initié. Bref, votre énergie sexuelle, vous ne pouvez parler d'énergie sexuelle que lorsqu'il s'agit de vous, votre femme. Et quand j'entends femme, chair de votre chair, os de vos os, qui a fusionné avec vous, qui est devenu un avec vous, qui est votre complice en tout et pour tout. Voilà, cela on peut parler d'énergie sexuelle. Je répète, qui est complice, souvenez-vous de l'enseignement que je parle des 26 aspects là, d'une véritable relation. Hein? Complice. Ça veut dire que même si tu invoques le diable, la femme ne va pas prendre le téléphone. Ah, mon oncle m'a camboyé, je suis même en train de pisser au maman. C'est comme, mon mari là, il a invoqué le diable. Ça, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas faire l'énergie sexuelle avec ce genre de personnes. Ou bien si c'est toi l'homme. Oh, ma femme est rentrée en transe, mais je ne comprends pas le langage qu'elle a là-haut. Oh! Les murs même sont en train de taper fort. Vous ne pouvez pas ça. Donc, c'est ça ce que j'entends par la complicité. Il y a une complicité mystico-spirituelle. Vos âmes sont déjà liées. Et même pour le cas d'espèce, j'ai la chair de poule quand je veux parler de ceci. Il y a des hommes et des femmes qui se sont rencontrés dans le plan astral d'abord. Les deux se posent des questions, mais toi et moi, la même, ça a commencé comment? Je ne comprends pas. Or, ce sont les génies là-bas. Les génies ont choisi, ils ont dit, vous deux âmes là vont être ensemble. C'est de ça. Si vous me parlez de l'énergie sexuelle comme ça qui va vous amener à l'immortalité, oui. Mais si c'est l'énergie sexuelle, allez baiser les petits au quartier, allez faire des ceci, cela au bureau, vous tapez des yogos aux pauvres femmes, les ceci, cela, les tripoter, prendre des machins, des photos de vous, votre pénis en érection, ou bien former un film pornographique. Non, non, non, non, non, non. Pardon, ça, là, ça ne vous amènera nulle part. Au contraire, ça va vous amener à la mortalité. Vous allez mourir n'importe comment. Qu'arrivera-t-il aux personnes qui n'ont pas quoi? Oh, quel était le sens de la question là? Je vais la retrouver. Bien, personnes sans initiation, les personnes sans initiation peuvent-elles atteindre l'immortalité? Bon, mais ça dépend de quelle initiation vous me parlez. L'initiation, c'est l'éveil de votre conscience. Si vous n'avez pas votre conscience éveillée, toi, tu vas comprendre l'immortalité comment? Mais tu vas toujours mourir comme un calboigné, un cabri, ou bien je ne sais pas, le singe. Le singe n'est pas conscient. Hein? Le singe n'a pas l'éveil de la conscience. Mais toi, en tant qu'homme fondamental, c'est-à-dire homme ou femme, créé à l'image de Dieu, comme le disent les religieux, mais il y a la divinité qui est là. Votre force animique est là, votre divine, votre être animé, il est là. Il faut le conscientiser, il faut éveiller. D'où les séminaires que je fais en France. L'éveil de la conscience de l'homme africain, c'est ça. Éveillez votre conscience divine. Et quand vous l'éveillez, vous êtes maintenant sur le cheminement de l'approche de l'immortalité. Autre question. Merkaba, je vous ai toujours dit que les Merkaba, là, moi je ne connais pas ça au Gabon ou en Afrique, pardonnez-moi. Ok? Quand vous, ça fait près de 6 mois, cette question revient. Je vous dis, je ne veux pas répondre à ce genre de choses-là. Merkaba, moi je ne connais pas. J'ai entendu parler, mais ça ne m'intéresse pas du tout pour l'éveil de mon esprit. Pardonnez-moi pour la personne qui a posé la question. Bien. Quelle autre question, là? Bon, voilà. Maintenant, je vais lire les autres questions sur l'écran haut parce que les gens vont se plaindre. Oh non, mais je n'ai pas répondu. Peut-on atteindre l'immortalité malgré qu'on ait commis des péchés dans notre jeunesse? Alors, dans une vie de jeune adulte, peut-on atteindre l'immortalité? Le fait qu'on ait commis des péchés. Mais sachez que commettre le péché, évitez-moi le langage des religieux là, commettre le péché, c'est justement dévier, aller à côté, donc violer les principes immuables préétablis par tes amants. Donc, tant que vous continuerez à violer ces principes immuables, vous appelez ça péché. Comment voulez-vous que vous atteigniez l'immortalité? Vous ne pouvez pas être immortel. Et comprenez bien que l'immortalité ici veut dire arriver au stade où vous ne vous allez plus vous réincarner. Vous devenez maintenant un dieu. Comme les étoiles que vous voyez là. Par erreur, on pense que c'est oh, l'étoile a brillé. Mais ce n'est pas des étoiles. Ce sont des âmes éclairées. Ce sont des êtres désincarnés, des grands maîtres, des frères qui étaient avec nous ici. Mais ils ont atteint la grande illumination. Ce n'est pas le mot illuminati là. Illuminati veut dire illuminé. Quelqu'un qui atteint la lumière comme Bouddha. Bouddha, c'est l'état d'esprit spirituel, physico. Vous avez atteint la paix intérieure et extérieure. Vous êtes un avec le tout. Autre question. Aujourd'hui, je suis décidé, je vais répondre à toutes vos questions. Je veux m'initier, mais je manque totalement de repères. Par où bien il faut commencer? Oh, maman Nathalie, là. Toi, tu veux t'initier, mais tu manques de repères. Oh, mais toi aussi, comment tu vas manquer totalement de repères? Là, je suis en train de parler. Est-ce que tu es dans le forum? Pose-moi la question. D'abord, tu veux quelle initiation? Il faut d'abord savoir ce que toi, tu veux. Hein? Si tu es en France, là, il y a plein d'écoles là-bas. Des initiations. Moi, je vous ai toujours donné Alpha International de mon ami Bernard Lancelot. Vous, faut commencer même par ça. Oh, vous aussi. Existe. Bon, voilà. Bon, il faut que je continue en bas. Maître, veillez réexpliquer comment l'énergie sexuelle. Ah, non, c'est pas ça. Ça, là, j'ai déjà expliqué. Maître, pour les personnes mortes, là, sans initiation, poursuivre telle leur immortalité. Je me suis connecté au milieu. Bon, Prince, toi, tu poses la question. C'est une bonne question. Pour les personnes mortes sans initiation, peuvent-elles atteindre leur immortalité? Oh, ben, je crois que, vu le contexte de cet enseignement-là, non. Mais de manière générale, peut-être. Mais je vous le répète encore que vous ne pouvez pas atteindre cet état immortel si vous ne faites rien pour pouvoir comprendre que vous n'êtes pas venu sur cette terre-là que pour manger le nkoumou, manger le manioc, mais le cabri, et puis baiser et produire des enfants. Pardonnez-moi, hein, mais c'est ça. Les gens pensent que le rôle de l'homme sur terre, là, c'est pour venir là, bon, voilà, il a son troisième pied qui fonctionne bien, pomper les enfants n'importe comment, et puis être satisfait, avoir 1000 et 1 nanas, avoir les milliards, et puis voilà, la vie continue. Vous n'êtes rien, vous allez toujours réincarner, on va toujours vous renvoyer, parce que vous n'aurez rien compris. Parce que c'est ça qu'on m'a appris dans l'initiation hermétique égyptienne, que l'homme a un rôle. L'homme est venu sur terre pour un but. Nous sommes ici sur terre, c'est pour apprendre. C'est une école. Donc, il faut profiter de cela. Arrive-t-il? Maintenant, si vous n'étiez pas initié au Bouti, seriez-vous enthousiaste? Oh, vous allez que c'est le Bouti qui me rend enthousiaste, comme ça, là, toi aussi, tu poses la question là. Comment toi, tu peux savoir si je ne t'ai pas? Et puis, ce n'est pas le fait de s'initier qu'on devient enthousiaste, toi aussi, laisse-moi ça. Ça n'a rien à voir. Moi, je vous ai dit que le Bouti, j'ai seulement mangé le bois sacré. Je ne connais pas grand chose là-bas. J'ai mangé mon bois. Et même les gens qui m'ont initié, ils se sont fâchés. Dis, toi, tu es déjà un maître. Toi, tu connais trop. Toi, tu viens nous tester ici. Là. Toi, tu es comment? Tu as déjà le vampire réveillé comme ça. Tu veux chercher quoi? J'ai dit non. Mais je suis né au Gabon. Non? Même si je suis allé en Inde là-bas, au Brésil, partout, voir tous ces grands maîtres-là, et machin, maîtriser les démons, le diable, l'invoquer. Mais non, moi, il faut que je sache ce que c'est. Donc, il fallait que je reparte à la source. D'accord? Et je suis fier de cette source. Voilà pourquoi vous verrez dans toutes mes vidéos, je suis toujours dans la forêt. Mais quand je suis dans la forêt, ce n'est pas forcément le Bouti. Hein. La forêt là que j'ai faite, la vidéo là, vous savez où c'est, ça se trouve? C'est ici à Dayton. Et là à Dayton. Sur la côte. Sur la côte. Ça, c'est de grandes forêts des Indiens, des Amérindiens. C'est là où je me suis retrouvé. Non, ce n'est pas le machin, le boutique qui me rend trop enthousiaste. Bon. Maintenant, maître, qu'arrive-t-il aux personnes dont on a bu leur sang là, fourni par la Croix-Rouge lors de leur rituel satanique? Qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là? Mais toi, moi-même, là, ce n'est pas, ils m'ont pris mon sang. Attends, peut-être j'ai mal compris ta question. Qu'arrive-t-il aux personnes dont on a bu leur sang? Mais oui, il arrive quoi? Il n'arrive rien. Moi, j'ai arrêté de donner mon sang à ma chaîne quand j'ai découvert, quand je suis allé à leur rite. Ces personnes, bon, si la personne n'est pas initiée, bon, le sang que ça boit là, ben, mais non, il n'y a rien. Il ne faut pas être superstitieux, maman. Il n'y aura rien. Je vais répondre à la question que il n'y aura rien. Non, Moussa, c'est Moussa qui pose la question. Les cryogénisations développées. Ah, vous ici, venez avec le gros français là. Toi, tu es allé lire dans quel livre, mon Dieu? Oh! Cryogénisation développée par les scientifiques à Balan est-elle un moyen ou tentative d'atteindre l'immortalité? Ah, je comprends. Ah, oui, mais frère, tu as bien répondu à ta question. Hein? C'est une tentative. Mais ce n'est pas ça qui va amener l'homme à l'immortalité. Ils ont même interprété les écrits sacrés de maman Cléopâtre, qui détenait le secret de l'élixir des jouvences pour atteindre l'immortalité par certaines substances. Oui. C'est quoi l'étoile à huit branches? Va lire, toi qui poses la question. Commande le livre bleu, pardon. Moi, je ne vais pas revenir faire des discours sur des choses que j'ai déjà dites. Il y a l'étoile à huit branches, il y a l'étoile à six branches, il y a l'étoile à sept. Il faut voir le livre bleu, la lumière sur le royaume. OK? Voilà, c'est ça là. Commandez-moi ce livre-là. Il faut le commander. C'est ça là. Voilà le livre. Il faut le commander. Il va vous répondre à cette question. Je comprends. Tous les jours, j'ai toujours des nouveaux. Bon, je ne me fâche pas, mais c'est juste pour donner la référence. Quand l'être humain décède, étant donné qu'il est une partie de la divinité immortelle, qu'est-ce qui se passe pour cette partie divine? Mais j'ai bien expliqué, non? Quand la matière se désintègre, la matière retourne à la matière. Terre, tu es terre, et le prêtre vient là et dit, oh, béni sois-tu, monsieur Mabako, toi, tu étais un voyou. Ben, il ne va pas dire ça, hein, mais du fond, on sait, Mabako était bandit, il sortait toutes les nanas de Akébé, à Port-Gentil, mille et une maîtresse, même sa pauvre femme avait même morte avec un arrêt cardiaque, parce qu'elle découvrait que le type dépensait près de 7 millions à donner aux copines. Bon, maintenant, il est mort là, le prêtre dit quoi? Oh, notre Père Céleste, car il est écrit dans ta parole que ce monsieur, tu le recevras, c'est ton enfant, il va te recevoir. Pour vous dire quoi? À votre question. Il est décédé. Mais sa partie divine, elle est là. Les écrits nous disent que les morts ne sont pas morts, non? Jésus, dans Jean chapitre 5, le verset 24, là jusqu'à 28, il dit quoi? Que tous ceux qui sont dans les tombeaux, là, ils vont entendre la voix, ils vont venir, ils vont sortir. Bon, c'est quoi? Bon, ça, c'est le langage religieux, mais nous, en tant qu'initiés, allez-y me suivre la vidéo intitulée « La mort ». Vous qui êtes nouveau là. La mort. La mort est une partie qui répond à toutes vos questions-là. J'explique très bien le phénomène, hein, quand quelqu'un meurt, les phénomènes qu'il rencontre, comment ça se passe, qui vient, ainsi de suite, vous va l'âme, le corps physique devient comment, cliniquement déclaré calboigné, qu'est-ce qui se passe? Allez-y me suivre cette vidéo-là. La mort. Il y a deux. Il y a la partie 1 et la partie 2. La deuxième partie, c'est là où je parle du phénomène des fantômes, du phénomène des mamans qui travaillent dans les maisons des retraités, là, qui meurent là, qui le simulacre. Bon, l'être humain décède, je donne la réponse. La partie divine, la partie divine, c'est vous. Vous savez qui est en train de vous parler ici? Ce n'est pas la bouille là que vous voyez qui parle. Non, non, non, pas du tout. Ce n'est pas moi qui parle. Mais je parle. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi. Mais je parle. J'espère qu'on s'est compris. On continue. Bien, il est difficile de poser des questions lorsqu'on est en pleine découverte de soi. L'un des plus grands soins, c'est de recevoir plus de vous. Merci beaucoup, Maxime. C'est toi qui as posé la question très intéressante là, du rêve que tu as fait, mais vraiment, tu m'as permis de partir en Égypte pour comprendre le phénomène du futur, du passé, le phénomène du temps et de l'espace, et surtout de la vitesse, pour comprendre qu'il faut être constant. Car dans cette constance, le reste n'est que relatif. Le temps, l'espace et la vitesse sont relatifs. Je suis passionné de l'initiation douce. Je souhaite savoir quel est le livre de yoga que vous avez montré, s'il vous plaît. Bon, voici le livre de yoga. Je vais satisfaire tout le monde aujourd'hui, même si ça doit durer. Est-ce que c'est même bon? Oui. Philippe Méric. Yoga pour chacun. C'est un vieux livre, hein, je vous signale. Celui-ci, il a été repris en 1992. Je ne sais pas s'il vend ça encore. Voilà, maman, toi qui poses la question. Mais attention, le yoga, ce n'est pas l'initiation douce. Ça fait partie des éléments de l'initiation douce. Hein? Dans mon explication, l'initiation douce, c'est l'ensemble de toutes les 21 initiations que j'ai reçues. J'ai pris ce qui est bon pour moi, afin que les gens ne soient pas effrayés. Parce que si je vous donne tout là, même ce qui est mauvais là, convoquer le diable, non, non, non, non. J'ai choisi ce qui est bon, j'ai gardé, et pour vous aider à évoluer, y compris le yoga. C'est ça l'initiation douce. Ce sont des techniques qui sont disponibles. Dans le livre « La vie des maîtres », il y a des maîtres qui arrivent à un état de divination où leur corps, machin, transition, ils s'en vont avec leur corps. Oui, c'est possible. Une voie d'aspiration pour nous d'en arriver à ce niveau dans notre développement. Question que vous posez, jeune Maxime, oui, bien sûr. Le livre bleu là que vous voyez, il y a un rite là-dedans qu'on appelle le livre de la bonne mort. Comment préparer votre mort? Mais si vous maîtrisez cette technique-là, vous verrez que vous pouvez disparaître avec votre corps. Mais là, la technique ici consiste pour vous à apprendre à se désintégrer de votre corps. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient vous tirer à bout portant, là, vous ne sentirez aucune douleur. Vous êtes déjà parti. Donc, je réponds oui à cette question. J'aimerais connaître la différence entre l'esprit et l'âme. Si quand on parle d'immortalité, l'esprit et l'âme font tous deux choses différentes, mais bien sûr, l'âme, c'est la force animique, c'est l'être divin plutôt qui est en vous. Mais par contre, l'esprit, c'est la force invisible ou encore c'est l'énergie qui permet la fonctionnalité et la connexion entre votre âme et votre corps physique. L'âme, Dieu insouffle dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il devint un être divin. Cette divinité qui existe en nous n'a rien à voir avec l'esprit. C'est vrai que, par erreur, souvent nous disons, nous sommes à la fois esprit et matériel. Dans cette dualité, quand on parle de la dualité manifestée de Dieu en l'homme, pardonnez ma philosophie, ce n'est pas moi, ce sont les maîtres, je ne sais pas pourquoi ils me le disent, je répète, quand on parle de la dualité exprimée de Dieu en l'homme, c'est que l'âme est là, mais nous avons besoin de ce corps physique pour fonctionner dans la matière et profiter de ce que la matière nous offre, de ce que ce monde environnemental direct ou indirect nous offre. C'est pour cela que nous mangeons, nous faisons l'amour, nous faisons des enfants, nous admirons les oiseaux, nous écoutons les bons sons, c'est le corps. Mais à l'intérieur de ce corps qui n'est qu'un sarcophage, selon les termes hermétiques égyptiens, ce sarcophage, c'est-à-dire un cercueil, moyen de véhicule, par dans lequel l'âme se loge. Et lorsque vous mourrez, c'est l'âme, justement. Ne faites pas la confusion. C'est l'âme qui quitte ce corps matériel pour aller dans le corps immatériel. Maintenant, l'esprit, c'est quoi? C'est la force énergétique vivifiante ou la force que vous pouvez appeler la force de Dieu ou l'esprit comme ça qui permet la liaison. On peut appeler le corps astral. Par exemple, quand vous faites un voyage dans l'espace et le temps, vous l'utilisez le corps astral. C'est-à-dire, le corps astral, c'est quoi? C'est l'engin moteur invisible, donc l'esprit qui permet l'âme de sortir du corps matériel pour aller dans le corps immatériel. Vous avez donc besoin de ce fil conducteur qui va vous guider partout. Donc, le cordon ombilical qui vous lie entre vous, être miniaturisé, et entre vous, c'est-à-dire microcosme et le macrocosme. Donc, le macrocosme, c'est-à-dire les dieux, par pouvoir délégatoire, était à moi, vous guide dans votre voyage astral, votre âme, donc, quitte consciemment le corps physique. Et là, c'est l'esprit qui vous permet de le faire. Oui, il y a effectivement une grande différence entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour cela qu'on parle de la triciplicité expressive de Dieu dans l'être humain. Être humain veut dire, c'est-à-dire l'humain exprimé. Être veut dire l'humain exprimé, l'être-té de Dieu dans un corps matériel. Je suis un être humain, c'est-à-dire j'exprime mon être-té dans le corps dont nous vient. Mais au nous vient qui parle, ce n'est pas moi, c'est je suis, c'est-à-dire être. Je m'arrête ici. Comment peut-on pour vivre longtemps et bénéficier de ce temps pour se spatialiser davantage? Qui est Fabrice? Tu m'amènes le gros français là, mon fils. Ah, est-ce que le vieux va comprendre? Comment peut-on faire pour vivre longtemps et bénéficier de ce temps pour se spatialiser davantage? En d'autres termes, comment peut-on faire pour vivre longtemps et de pouvoir atteindre cette immortalité d'incarnation en incarnation? C'est l'initiation. C'est l'initiation. Alors ici, là, comme j'ai dit que moi, l'histoire de l'énergie sexuelle, là, j'ai expliqué pourtant ce que c'est. Vous avez dit, je pense, l'énergie sexuelle est naturelle. Oh. Bon, ben allez-y. Si c'est naturel, c'est normal. Un homme doit bander, la femme doit être là, avoir l'envie. Mais là, ça n'a rien de spirituel. Bon, Priscille nous dit que les chrétiens disent souvent, oh, le temps de l'homme, on n'est pas le temps de Dieu. Et certains disent que à chaque chose est faite à son temps. Quel est le lien avec Nzamba Kana, puisque nous sommes des dieux incarnés? Bonne question. Moi, allez-y demander aux chrétiens. Moi, je ne sais pas ce qu'ils disent que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Oui, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu parce que ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que l'homme pense. Dans un cadre purement primitif, néo-cambrien, pardonnez-moi, mais dans l'esprit nouveau, ce spiritus, c'est-à-dire dans l'esprit plutôt de l'ère du Verseau, la compréhension va être différente, maman. L'ère, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme, ou encore la deuxième qualité de Dieu, c'est quoi le temps? Bon, j'ai dit, ça va choquer mes frères chrétiens, l'homme fondamental. Je ne parle pas de l'homme simple. Je ne parle pas de l'être humain. Je parle de l'homme fondamental. Mais l'homme fondamental, c'est qui? C'est cet homme qui a réussi à réunir toutes les conditions nécessaires. C'est-à-dire qu'il a réussi à intégrer en lui la divinité supérieure par le canal d'une initiation vécue, soit volontaire ou involontaire. C'est-à-dire que les parents l'ont préparé depuis la naissance quand il est venu sur Terre. Il est maintenant conscient dans tous les plans. Il est conscient, c'est-à-dire qu'il a même ce qu'on appelle chez nous au Gabon, là-bas, ou même en Afrique générale, oh, le gars là, il est dangereux, il a le vampire. Oh, ya, yo, comment il fait? Regarde là, dans le live, là, les esprits là voulaient perturber, mais il a réussi à bloquer tout comme ça, là. Il peut même s'agiter, il peut crier, rien. Mais c'est parce que vous avez réussi à être un avec Dieu. Comment vous allez encore dire que Dieu a son temps et puis l'homme a son temps? Non. Le temps de Dieu, c'est votre temps parce que vous êtes une divinité. Et étant une divinité, vous êtes une partie de Dieu. Mais n'est-ce pas les mêmes dieux qui disent dans Genèse chapitre 3, verset 22, que maintenant que les hommes là sont devenus comme l'un de nous, connaissant maintenant le bien et le mal, oh, maintenant on va faire comment? Nous sommes calboignés parce qu'ils connaissent maintenant comme nous. C'est pas moi qui exagère, c'est écrit dans le livre de Genèse. Hein? Vous voulez que je vous lise ce passage? Mais quand on est devenu comme Dieu, comment encore le temps de Dieu et le temps de l'homme, ça va être différent? Ça a commencé comme? Genèse chapitre 3, verset 22. Les gens avaient dit ici là qu'on m'a évité de nous parler de la Bible, mais pardonnez-moi, puisque la personne a posé une question chrétienne. Donc, moi, je suis obligé de répondre chrétiennement. Bon. Genèse chapitre 3, verset 22. 8, 9, 10. Où est-il, 22, où est-il, sors. Puis les dieux dirent, voilà que l'homme est devenu maintenant comme l'un de nous, oh, pour connaître le bien et le mal. Empêchons-le de mettre la main maintenant dans l'éternité et l'immortalité. Mais toi, maman, laisse-moi les histoires des chrétiens là. Quand toi tu t'inities, hein, le temps de Dieu, c'est ton temps. Et c'est là où on atteint l'immortalité. Je m'arrête ici. Alors, maître, qu'arrive-t-il aux personnes dont... Oh non, ça j'ai déjà répondu. Je souhaite savoir si c'est une bonne école initiatique au Canada, maître. Oh, au Canada? Ok. Mais renseignez-vous, hein, au Canada, là, il faut rentrer dans le machin. Comment on appelle ça? Allez-y sur Google, vous posez la question, que vous êtes anglophone ou bien francophone, moi je ne sais pas, le Canada s'est divisé en deux parties. Non? Bon, vous partez en français, aimerez savoir école initiatique, mystico-spirituelle ou les écoles hermétiques, c'est-à-dire les écoles qui donnent les enseignements hermétiques d'origine égyptienne. Et puis, ça va vous donner la réponse, c'est comme ça. C'est ça l'avantage au pays d'Avalan. Chez nous, au Gabon, là-bas, toi tu vas voir ça oublier. L'initiation Bouiti seule permet... telle d'acquérir l'immortalité. Mais bien sûr, bien sûr. Si vous suivez vraiment, moi j'ai mon grand frère, je suis toujours fier de vous en parler, non? Le professeur Wilson. C'est un monsieur qui n'a jamais changé. Il est dans son bouti, il est dans son djembe, mais c'est un grand maître du bouti. Il est là depuis près de 50 ans, moi je vous dis. Depuis son jeune âge, il est là-dedans. Mais il est professeur certifié, Kamen, c'est tout, conférencier international. Il enseigne dans les universités, il est là au Gabon, il est en France, et ainsi de suite. Mais il atteint son grade de grand maître dans le bouti. Parce qu'il est resté régulier, il est resté constant dans son bouti. Malgré les tempêtes, malgré les perturbations, il a été des attaques à gauche, à droite. Il a même créé son propre bouti. Et ça, c'est rare. Hein? Il y a les, la plupart des initiés de Bouti vont dire non, ça, c'est le Bouti de papa Mwenga qui m'a donné. Non, non, non. Lui, son Bouti. Oh, j'ai la chair de poule. Il y a des mecs comme ça. Lui, Tétan Mwanga lui a donné son Bouti à lui direct. Wilson Ndombe. André. Il a son Bouti à lui direct. Oui, à travers le Bouti, vous pouvez atteindre l'immortalité. N'a pas besoin d'aller à gauche à droite. Le transhumanisme. Ah, vraiment, les enfants avec leur gros français. Le transhumaniste est-elle une voie d'immortalité? Ah, mais comme le mot trans. Il faut expliquer aux gens, hein, transhumaniste, ça veut dire quoi? La transformation de l'humain. Hein? Oui, si l'homme se transforme, si c'est comme ça, je comprends. Mais bien sûr, vous allez arriver. Le soufisme permet-il d'atteindre. Le soufisme, attention. Bon, mon frère, est-ce que tu es musulman? Bien. Ça, c'est la chose que je maîtrise dans l'islam. Je ne connais pas grand-chose dans d'autres champs en dehors du soufisme. Le soufisme est une confrérie mystico-spirituelle secrète dont certains musulmans initiés, hautement initiés, qui appliquent maintenant la voie mystico-spirituelle de l'islam. Il y a des sourates maintenant qu'ils maîtrisent, qui sont capables de maîtriser l'espace et le temps. Pour revenir chez maman Prisca, là, c'est maman Priscille, voilà, maman Priscille, là, il faut répondre aux chrétiens, là, que l'homme arrive à un stade où il maîtrise l'espace et le temps. Mais quand tu maîtrises l'espace et le temps, qu'est-ce que toi, tu as à dire que non, Dieu a son temps là-bas, au moins, l'homme a son temps. Non. Donc, le soufisme, justement, vous permet de maîtriser l'espace et le temps. Vous permet de maîtriser tous les éléments de la vie, résoudre les problèmes au quotidien des membres, de nos frères musulmans et même chrétiens. Il y a une combinaison des nombres et des lettres alphabétiques arabiques appliquant les règles de la sourate, et ça va vous amener. Bien, vous insistez sur la spiritualité africaine. Y a-t-il un rapport entre le livre bleu et nos enseignements ancestrales? Bonne question. Je n'insiste pas trop sur le livre bleu. J'insiste sur la spiritualité africaine. La spiritualité africaine tourne autour de nos rites à nous. Mais voilà pourquoi, j'espère que vous serez présents. J'ai insisté là que prochainement, quand je vais me rendre en France, le séminaire conférence va insister sur la pratique des rites purement africains. Et même ce qui est avec moi en janvier 2020, il y a à peine 7 mois, quand j'étais là-bas, vous m'avez vu, je parlais des histoires de ma livre bleu. Le livre bleu, pourquoi? Mais parce que c'est une reprise des rites de chez nous en Afrique, si vous ne le saviez pas maintenant, je vous le dis. Ce sont les maîtres qui m'ont recommandé dans la plupart, près des 310 livres que j'ai à gauche, à droite, là, il y a peut-être une affaire de 9 qui m'ont sélectionné et exigé que non, quand tu vas faire tes enseignements, il faut essayer de leur demander. Et parmi ces 9-là, il y a près de 7 qui sont écrits par des Africains, notamment Cheikh Anta Diop et un seul du professeur Philippe Obenga. Donc, de tous ces livres-là que je vous recommande, c'est, quand je parle du livre bleu, ce n'est pas un blanc, hein? Attention, qui est fondateur de ces histoires qui sont les désinformations. Les informations étaient transposées par nos frères blancs. Alexandre Moriasson, je respecte ce monsieur-là, il est initié dans certains milieux, mais il est transcripteur, je peux dire en sorte ce qu'on appelait en Égypte un scribe. Ok, un scribe. Il est un scribe, donc il transcrit ce que les grands initiés cachés, qui ne veulent pas se faire voir, lui demandent d'écrire. Moi, si je ne veux pas écrire mon livre, je peux confier ça à certaines personnes, mais on mettra mon nom. S'il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas se faire voir au public. Moi, j'ai plus de risque de venir me faire voir au public. Voilà la preuve en est que, vous voyez, à chaque fois que je vais commencer le live, il y a toujours des perturbations. Mais ils ne connaissent pas que moi, Mouréo Nouvier, non, pas moi, que Mouréo Nouvier qui vous parle n'agit pas en lieu et place de lui-même. Et que cet état, moi, n'a pas pouvoir délégatoire. Donc, maman, ou papa, toi qui parles de la question là, non, je n'insiste pas trop. Mais c'est parce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous voulez trop les livres de blanc, non? La preuve en est que lui, là, qui vient avec les questions de transhumanisme, de ceci et cela, c'est les expressions de blanc. On ne connaît pas ça chez nous en Afrique. Donc, le livre bleu vous permet de comprendre parce que ces pratiques qui sont dedans viennent de l'Égypte. C'est ce que je peux vous dire. Bien. Si, maître, quoi? Votre réponse est claire et concise. Merci beaucoup. Est-il possible de récupérer les dons spirituels innés perdus lors d'une initiation? Bon, si vous avez perdu des dons au cours d'une initiation, ce qui arrive souvent, moi j'ai vu le cas des mamans qui ont près de 7 initiations, elles ne voient rien, elles ne voient rien. Bon, des fois c'est l'initié, c'est l'initiateur qui vous vole vos énergies. Y a-t-il la possibilité de récupérer ça? Oui et non. Oui, ben, si vous passez, là c'est pour répondre à la personne qui me reproche, que, oh maître, comment vous avez fait toutes ces initiations-là, mon Dieu? Ben oui, c'est un avantage de faire toutes ces initiations. Parce qu'en faisant toutes ces initiations, ben, j'ai vu certaines personnes qui m'ont trompé dans certaines initiations. Et j'ai découvert des bandes de voyous qui se passent pour des parents ou des amis honnêtes avec moi. Voilà pourquoi je dis, je n'ai plus d'amis, justement. C'est ça l'avantage de faire plusieurs initiations. Donc, je crois qu'à cette question, je dirais oui. J'avais la capacité d'entendre les voix, mais après, bon, oui, mais bon, là, je comprends maintenant. Pour le cas de récupérer tes dons qui ont été perdus, mais c'est parce que tu as eu un coup de paresse, c'est tout. C'est pour cela qu'on vous demande d'être occupé spirituel avant. Mais si toi, tu es occupé avec les soucis du copain qui te trompe, du mari qui te calaboigne et tout, au lieu de divorcer, tu es là, non, on fait comment. Mais tout cela, ça va vous faire perdre vos facultés psychiques. Et vous n'avancerez pas. Bien. Comment se faire initier au soufisme? Bon, Moussa, je ne sais pas dans quel pays tu es. Le soufisme, normalement, il faut d'abord rentrer dans l'islam. C'est dommage. Moi, je suis obligé de rentrer. Et mon nom musulman, c'est Abdurrazak. Je me suis lancé dans l'islam. Abdurrazak, c'est un nom qui m'a été révélé. Je suis rentré là-dedans. Et puis, voilà. Et puisque je partais avec un intérêt, c'était le chercheur de le soufisme. J'ai un cousin à moi, Avika Dako, qui est à Port-Gentil, bien connu, un homme politique. Il a choisi la voie de la politique. C'est mon petit frère. Nous faisions les armations ensemble et il continue toujours. C'est un bon expert dans le Hapkido. Lui, c'est lui, en fait, pour être honnête, qui m'a inspiré l'affaire du soufisme. Il est très avancé là-dedans. Et je me suis renseigné, il continue, il est toujours dedans. Donc, mais c'est un musulman branché. Donc, rentrez dans l'islam et une fois, mais je crois par votre nom, Moussa, vous devez être musulman. Donc, dans l'islam, là, soyez sérieux, rapprochez-vous de l'imam. L'imam, vous lui dites, bon, mais imam, moi, je vais rentrer un peu dans le monde de la maîtrise des sourates. Astaghfirullah. Il va commencer à dire, astaghfirullah, ça c'est que Dieu te pardonne là, ça c'est haram. Non. S'il agit comme ça, il faut le laisser. Faites vos recherches. Soufisme, école du soufisme, dans tel arrondissement, dans tel code, vous ne pouvez pas vous habiter. Si vous êtes en Afrique, mais c'est facile, à Bamako, mais mon Dieu, il y a plein de soufistes. C'est d'ailleurs la capitale des soufistes, à Bamako. Bien, je crois que pourquoi ne faites-vous pas des séminaires in the USA? Mais Léon, aux États-Unis, comment vous me posez la question là? Il y a une équipe qui est là. Vous m'avez invité. Est-ce que vous m'avez invité? Oh, invitez-moi. Mais pour m'inviter, soyez au moins 10 personnes. Vous n'allez pas me faire calboigner. Là, d'abord, je vous informe que là, j'ai près de 13 jours. Je suis assis là. Je n'ai rien à faire là pour moi. 13 jours. Est-ce que vous pouvez m'inviter pendant ces 13 jours-là? Jusqu'au 28 juillet, je suis disponible. Allez-vous m'inviter? Allez, appelez les autres là. C'est le summertime aux États-Unis. Invitez là, invitez-moi. J'ai 13, je vous dis, je suis là jusqu'au 29 là. Jusqu'au 29, je suis de repos. Bon, invitez-moi. C'est tout ce que je peux vous dire, vous qui êtes aux États-Unis. Les autres là en France, mais c'est parce qu'ils m'ont invité depuis 2019, ça a raté. En 2020, je suis allé, ils m'ont invité. Là encore, en 2021, ils m'invitent. Mais vous, est-ce que vous m'invitez? C'est ça la question. Ce sont maintenant les autres qui m'invitent à gauche, à droite. Ici aux États-Unis, je vous dis, il y a des Américains qui m'invitent. Je suis dans une association qu'on appelle Alpha Holistic Association Organization. Ils font les traitements holistiques et tout ça. Bien. Pendant l'initiation, une personne envoûtée par les démons peut-elle être initiée sans problème? Non. Si vous êtes envoûté, il faut d'abord aller de vous envoûter. Laissez-moi les histoires. Vous avez les démons, vous ne pouvez pas être initié n'importe comment. Bon, écoutez, moi, je vais partir hein, parce que là, je crois avoir répondu. C'est pour... Comme je vous ai promis, c'est vrai. Là, aujourd'hui, là, c'est vous qui parlez beaucoup plus. Quel est le rôle d'une messe requiem? La messe requiem, c'est pour la libération de l'âme de ce corps-là pour aller dans le paradis des chrétiens catholiques. Voilà ce que je peux vous dire. Pardonnez-moi le sens d'humour, mais c'est la vérité. La messe de requiem, il n'y a que les chrétiens catholiques qui font ça. Vous avez déjà vu les protestants ou bien nos amis églises éveillées, la fait les messes de requiem. Ils vont dire, oh, ça c'est satanique. Bon, mais en réalité, la messe de requiem n'est qu'une reprise des cérémonies initiatiques préparatoire du départ du défunt que faisaient nos ancêtres en Égypte. C'est tout. Oh, ça, c'est qui parle de Moussungou et Libogala? Toi, je ne peux pas venir gaspiller nos histoires. On ne parle pas de Moussungou et de Bogala. Donc, alors, sur cette question de requiem, je dis, c'est, ils ont volé. Ce n'est qu'une réplique, je voulais dire, une reprise de nos rites anciens en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'est comme ça qu'on faisait. Vous avez sûrement vu des livres intitulés « Le livre des morts ». Effectivement, la messe, les messes des requiem, là, ils ont volé nos rites de chez nous. C'est comme ça, ça se passe ça, pour libérer l'âme de l'individu, pour qu'il voyage dans l'espace et le temps, qu'il soit accueilli par ses ancêtres et que son voyage se passe dans les bonnes conditions. Voilà, je vous remercie. Voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que tout le monde est satisfait. Parce que là, il n'y aura plus de plaintes. Oh non, maître, vous n'avez pas répondu à mes questions. Bon, maintenant là, j'ai répondu à toutes vos questions. OK? J'ai répondu à toutes vos questions. Donc, Teta Mwanga vous bénisse. Merci de m'avoir reçu chez vous aujourd'hui. Et espérant vous retrouver demain samedi. Attends, demain c'est samedi, hein? Je crois. Oui, oui, oui. Donc, on va se retrouver demain samedi pour un autre enseignement, probablement. C'est la volonté de Teta Mwanga. Et je viendrai parler de l'angéologie. Voilà. Le maître vient de me rappeler encore. Angéologie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre forme d'enseignement sur un enseignement que je vous avais donné, intitulé « Éviter de mettre des boulets aux pieds des anges ». Mais là, c'était « boulets, pieds des anges », c'est-à-dire éviter de convoquer ces anges-là pour vos besoins personnels. Mais l'angéologie, c'est, je ne sais pas si cette science existe, mais c'est une idée qui me vient à l'esprit et je vous expliquerai. Les maîtres viennent me dire, bon, ils m'ont dit qu'il faut parler de ça. Donc, demain, je vous parlerai de l'angéologie. Angéologie, comme le mot le dit sûrement, étude des anges. Qui sont-ils et comment ils sont faits? Est-ce que les anges sont blancs? Est-ce qu'ils sont noirs? Est-ce qu'ils sont métissés? Qui sont-ils? Et selon la mythique, selon les dogmes mythiques chrétiens, parce que chez nous, en Afrique, est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle ange? On en parlera demain, je ne vais pas anticiper. Donc, pour nous séparer, je vais vous demander donc d'apprécier le moment de musique et vous allez passer une bonne soirée. Pour ceux qui n'ont pas pu assister au début, ben, vous aurez le temps de re-suivre cette vidéo et de partager et de faire abonner les gens au maximum. Et n'oubliez pas que ceux qui sont en France, d'accord, le countdown a commencé. Oh, countdown veut dire le décompte a commencé. Je n'aimerais pas, comme l'année dernière, à la dernière minute, « Oh, yo, maître, vraiment, je n'ai pas pu, oh. » Mais là, on vous avise. Ça fait maintenant un an que j'ai parlé de cette affaire-là. Février 2021, j'aimerais voir au moins 1000 personnes présentes. Au moins 1000 personnes. Parce que là, ça risque d'être le dernier séminaire. Parce que si je vois seulement 50 personnes qui vont se présenter là, moi, je ne reviendrai plus là-bas en France. Oh. Parce que je ne veux pas venir perdre mon énergie pour rien. Donc, il faut. Parce que les gens ne font que se plaindre. Oh, toi, tu ne parles des histoires, des spiritualités, tu parles des livres blés. Oh, toi, tu ne parles d'histoires des blancs. Là, je vous ai dit que je viendrai parler uniquement des choses de chez nous. Que ce soit du Gabon, du Congo, du Mali. J'ai des rites à partager. J'ai des connaissances. Il y a même une maman là, une certaine Nyingon, qui se fâche en disant, oh non, à toi, rigolo. Attention, moi, je lis mes messages. Hein, mais très de rigolo, quoi, toi, tu vas voir. Les esprits là vont te frapper. Ah bon, hein, maman Nyingon, toi qui m'as fait la remarque. On t'a dit que moi, je vais là-bas, c'est pour dévoiler les secrets auprès des blancs. Je comprends, c'est une jeune femme très conservatrice. Elle pensait que comme je vais en France là, je vais chez les blancs pour dévoiler les secrets. Non, non, non, non, non. Maman Nyingon, toi qui m'as posé la question, toi qui m'as traité de rigolo là, sur mes histoires en disant que non, toi, tu oses aller parler des choses là au pays des blancs, tu vas voir, les génies vont te frapper. Je t'informe que je travaille avec ces jeunes-là depuis près de 46 ans et je ne suis pas fou bête, hein, d'aller partager des connaissances auprès du frère blanc qui m'a embrigadé et qui t'embrigade toi-même. Toi, tu vas à l'église là-bas et tu manges aux gens et tu vas te manger le bois sacré. Et quand tu manges le bois sacré, tu continues encore à aller dans les églises éveillées. C'est qui est plus hypocrite que qui? C'est toi-même et pas moi. Hein. Moi, tu me vois aller dans quelle église? J'étais pasteur, j'étais témoin de Jéhovah, je connais toutes ces histoires de Bible, du banditisme. Donc, maman, tu m'as traité de rigolo. Je te pardonne, que Teta Mwanga te pardonne. Je ne veux pas que tu sois frappé par une maladie grave. OK? Je ne veux pas cela. Je te bénis. Mais sache que là où je vais en France, à chaque fois que je vais à l'étranger, partout, partout, partout là, la majorité, même ici aux États-Unis, la majorité qui vient de recevoir mes enseignements, c'est des Noirs. Et c'est ça l'objectif de Teta Mwanga, Teta Nzambe, le Tout-Puissant Kana. L'objectif, c'est de transmettre la connaissance et éveiller les consciences de l'homme noir, que ce soit l'homme noir du terroir en Afrique ou l'homme noir qui vit dans la diaspora. Diaspora veut dire aux États-Unis, en Europe, partout, partout. Ce sont ces noirs-là. Que là, moi, je voyage pour aller transmettre ces rites de nos chevaux. Vous comprenez? Et quand je vais te parler, le cas de mon pays, le Gabon, toi, tu ne sais pas que je suis très déçu. Les rites des chenoux au Gabon, là. Il n'y a pas de blancs qui viennent voler ça, aller maintenant faire des conneries, faire du business avec. Le rite de l'initiation du Bouti, tu sais combien le blanc vend ça ici, là? Jusqu'à 3 000, 5 000 euros. Il va oser vendre ça auprès de ses frères blancs. La faute à qui? Et toi, tu oses me dire que non, je n'ai pas le droit d'aller en France pour faire mes histoires. On t'a dit que moi, je vais faire mes histoires chez les blancs. Je ne suis pas contre le blanc, une fois de plus. Mais j'ai dit, ces rites-là, c'est auprès des frères africains. Les gens qui m'invitent, la majorité, c'est des Gabonais. La dernière fois, bon, j'ai vu seulement peut-être quelques têtes de nos frères du Cameroun et nos sœurs du Cameroun. Mais normalement, ça s'adresse à tout le monde. Mais l'objectif, c'est de faire passer cette connaissance auprès de nos frères noirs africains. Donc, il faut le retenir. Hein. Quand je vais au Mont-Saint-Michel, Mont-Saint-Michel, parce que c'est une ville de blanc, savez-vous, ma chère mademoiselle ou madame Ningot, qu'en France, nous avons plus d'un million d'Africains. Et ces millions d'Africains-là, vous voulez que les enfants là, meurent dans l'ignorance d'aller faire des choses de blanc, de conneries? C'est pour cela que j'ai décidé de créer cette affaire du Baobab. Donc, je réponds ici directement à cette jeune dame qui m'a fait la remarque dans l'un des forums où mes vidéos passent. Rassurez-vous, j'ai lu chaque jour des milliers de messages. Et c'est le seul message où j'ai vu une jeune compatriote gabonaise m'insulter. Tout le monde me félicite. Mais je ne suis pas fâché. Elle m'a dit, rigolo, tu oses aller partager nos choses auprès des Blancs. Les esprits de chez nous vont te frapper. C'est ce qu'elle a dit. Mais il a fallu que je vienne lui répondre ici. Là. Et j'espère qu'elle va suivre cette vidéo. Alors, que Teta Mwanga vous bénisse. Et je vais vous libérer. Et d'ici là, portez-vous bien, comme je le disais. Nous allons nous retrouver donc. Nous allons nous retrouver demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Et merci à Teta Mwanga, par voie de la Gadoua, et les génies qui ont protégé tout le rythme, sans, comment dire, tout le live sans perturbation aucune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.